Gamme Trip FM, le samedi de 11h à 12h30. Où est-ce ma gueule? Nom de Dieu. T'as vu? Et bonjour à tous, bienvenue sur GTFM. Pardon, je t'ai pas monté ton micro. Je t'ai trop montré ton micro. Votre émission uniquement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio la plus proche des Lorrains. 9e épisode cette semaine, dernière de l'année avec vous. Et vous le savez déjà, désormais nouvel horaire, nouvelle durée. On est là pour 1h30 en votre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez participer avec nous au débat. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, commentez l'actualité avec nous, posez vos questions, laissez un message sur Twitter avec le hashtag GTFM ou le hashtag BLE Radio. Et vous pouvez aussi commenter sur la page officielle GameTrip.net. Et comme désormais toutes les deux semaines, on va évidemment parler du meilleur de l'actu, des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, mais pas que, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Bonjour Ben et bonjour Jérém. Salut, salut. Alors avec nous, on va parler dans 5 minutes, on va commencer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de la quinzaine qui vient de s'écouler. Ensuite à 11h10, on va parler de Jak and Daxter qui revient sur console, de God of War également, mais aussi des jeux en FMV qui ne sont pas complètement morts pendant que Ben s'amuse avec le micro. À 11h40, c'est un hommage à Johnny. Ah d'accord. À 11h40, attends, moi aussi j'ai un hommage à Johnny, je voulais pas le mettre tout de suite mais si tu veux. Voilà. À 11h40, on parlera d'une énorme polémique. C'est sur le jeu Détroit. Est-ce que vous pensez que le jeu est devenu trop réaliste? On va aussi en discuter. On va discuter aussi de Bullfrog. Est-ce l'inventeur du God Game? On en parlera tout à l'heure à 11h40. Et en fin d'émission, on va notamment voir ensemble les résultats de la cérémonie des Ping Awards. Des Ping Awards, Mario, Lapin Crétin, meilleur jeu de l'année. Voilà. Hein, bon. On en parlera tout à l'heure. C'est largement mérité. C'est largement mérité. Ensuite, à 11h30, avec Ben, comme à chaque fois, on va réfléchir autour des jeux vidéo avec lui. Ça va nous changer d'ailleurs. Et le thème cette semaine? Alors, ce sera les jeux vidéo, le choix dans les jeux vidéo. Le choix dans la... Le dilemme moral dans les jeux vidéo. Vous voulez le faire? Ok. Voilà, c'est lié à cette polémique sur Detroit Become Human dont on va parler. Largement parler. Ouais. Donc, ce sera 11h30. À 12h05, la chronique musique. Comme chaque émission, on va vous faire découvrir une musique de jeu et l'histoire qu'il y a autour. Et là, c'est pas Jack, c'est pas moi, c'est Jérém qui s'y colle aujourd'hui. Le thème, Jérém. Enfin, Invincible. Invincible. D'accord. C'est une musique de World of Warcraft. Voilà. Et puis, nouveauté de l'émission, à 12h20, restez avec nous, notre nouvelle rubrique Psartek ou Balek. On a sélectionné le tout venant et on va voir si ça nous intéresse ou pas. Vous avez donc vous aussi la parole, hashtag GTFM, hashtag BLE Radio et la page officielle GameTrip.net. Et en attendant, on va commencer avec les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et on commence avec toi, Jérém. Oui, parce que j'ai envie que ce soit toi. Oui, mais je sais. Je sais que tu as envie de m'entendre, je comprends. Non, c'était un coup de gueule par rapport à Nintendo. Donc, Ben va me regarder avec des grands yeux, mais tant pis. il crache. Ils veulent. Non, c'était par rapport à Zelda, donc Breath of the Wild, donc sur Wii U et Switch. Qui a gagné plein de prix. Ouais. Qui a gagné plein de prix, tout ça, tout ça. D'ailleurs, il n'est pas le meilleur jeu de 2017 parce que c'est normal. Et donc, non, effectivement, donc on peut louer la grosse prise de risque de Nintendo avec l'open world qu'ils ont mis en place, le renouvellement quasi intégral de la franchise. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, ils ont assuré. Mais clairement pour les, donc j'ai pu y jouer effectivement seulement la semaine dernière et j'ai pas mal geek dessus. Et pour les anciens, donc comme nous trois, je pense que donc les plus de 30 ans, l'aspect narration et donjon et galérer un petit peu, voire même beaucoup, et passer des heures dedans, c'était vraiment important, enfin je crois. Et là c'est clairement absent, on passe son temps à on grimpe partout, c'est joli, c'est l'exploration, ils ont un peu trop misé là-dessus quoi, tu veux dire. Ouais, voilà, clairement c'est exploration, c'est beaucoup trop basé là-dessus. C'est la tendance quoi. Ouais, enfin c'est une tendance qui moi perso me déplaît clairement, d'où mon coup de gueule donc. Et là en plus pour en rajouter une petite couche, donc ils avaient déjà sorti une DLC qui était incluse dans le pack qui est... Ah, tu dis une DLC toi. Non, c'est vaste débat. Ouais, c'est une date limite. C'est une date limite de consommation. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Et là, du coup, au Games Awards, donc c'était qui sont déroulés avant. On va en parler tout à l'heure. Ouais, ils ont annoncé donc le nouveau DLC qui sortait dans la nuit en fait, donc quelques heures après, donc pour la modique somme de 20 euros. Et bien sûr pour la période de Noël parce que bah il faut faire du pognon et surtout que dans ce et c'est que du cosmétique en fait. Il y a un petit peu, il y a un donjon en plus donc il y a peut-être quelques heures mais c'est que du cosmétique, il y a des casques, il y a des costumes et tout, enfin c'est vraiment des conneries clairement. Et il y a une moto. Oui, tu as une moto qui a une dans elle là donc. Oui, tu as une espèce de et c'est une espèce de tête de cheval ou de licorne en fait comme en guise de guidon, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et que tu ne peux avoir que quand t'as fini tout le DLC en fait. Donc c'est ça, c'est une grosse blague et je trouve que bah justement on parlait souvent de contenu additionnel à acheter tout ça et loot box et tout ça. C'est vraiment écoutez vraiment le déconner. Dernier podcast il y a deux semaines, l'émission numéro 8, on parlait des loot box. Ben. Ouais, alors c'est un coup de gueule aussi, je crois. Non, ça a changé encore parce que t'as changé 8 fois depuis hier soir. Non, parce que c'est plutôt un coup de cœur. Bon, c'est un petit truc vraiment marrant que j'ai vu en ligne. Là, c'est ça a été diffusé pendant la cérémonie des Game Awards. Là. Entre autres, millions de choses. Il y a une petite vidéo que Bethesda a réalisée sur. Bon, on y voit, voilà, c'est une vidéo humoristique où on voit des gens tristes dans des canapés, solitaires. Qui pleurent dans des coussins. Et en fait, c'est une espèce de manifeste pour réhabiliter le jeu solo, qui est la spécialité de Bethesda, avec les Fallout, les Skyrim, même les Wolfenstein Dishonored. Même s'ils sont vachement bien mis sur du MMO maintenant. Ouais, c'est vrai que avec Skyrim par exemple, ouais, ou dans The Elder Scrolls Online ou c'est pas un gros succès d'ailleurs. Si c'est toujours eux qui font même le online. Ouais. Bon, après il y a cet exemple là, mais voilà, ils disent que ils aimeraient bien qu'il y ait un retour au jeu solo parce que avant c'est vrai que c'était plutôt la tendance, la grosse majorité des titres c'était des jeux solo et maintenant le modèle économique notamment des éditeurs ça va plus sur du jeu online parce qu'on peut faire plus de sous. Et on pense à ce qu'on a dit sur la fermeture de Visceral Games qui devait faire un nouveau jeu Star Wars très narratif et tout. Et Disney qui a fermé Visceral Games. Non, c'est pas ça. EA. Qui s'est dit on va faire un autre jeu parce que pour une expérience plus riche, sous-entendu, où on va faire du online avec du pognon. Vous allez payer à mort des trucs. Ouais. Donc moi, je suis plutôt assez fan de jeux solo, donc cette petite vidéo marrante est pas mal. Et ils ont annoncé également qu'ils allaient proposer des réductions tout le week-end et une démo gratuite de Evil Within 2. Ils ont annoncé avoir donné un don de $100,000 à la ISA Foundation pour une bourse pour des jeunes talents qui feront peut-être les grands jeux solo de demain. Voilà, vive les jeux solo. C'est bien. Oui, t'as raison. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Moi, j'ai un coup de cœur aussi, c'est After Death. C'est un jeu PC qui est sorti il y a quelques semaines et qui est pas cher sur Steam. Ça doit être une vingtaine d'euros. On vient de faire le test sur Game Trip. On a fait le test parce que Game Trip, normalement, on ne teste que des vieux jeux, sauf quand il y a des jeux qui ressemblent vraiment à des anciens et qui font vraiment hommage. Et After Death, c'est un coup de cœur à moitié parce que moi, je suis pas spécialement fan des Metroid Castlevania, mais si je l'étais, je serais vraiment ravi de voir un jeu hommage, limite remake, parce que je l'ai testé, ça pue le Castlevania 4. Il y a un super bestiaire, c'est du 16 bits à la SNES. C'est assez difficile maintenant que j'ai un peu avancé dedans parce que j'avais pas dit la même chose dans le test, mais c'est assez difficile. Et mention spéciale parce que c'est un jeu français et le compositeur c'est celui qui avait fait Gunpoint, qui est un jeu d'action stratégie en 2D extrêmement bien foutu qu'on avait adoré aussi sur Game Trip à l'époque. Et donc voilà, bonne découverte. Il y a le test et il y a une vidéo test sur la une du site After Death sur PC et c'est français. Voilà, il fallait en parler parce que c'était un très bon jeu. Tout de suite, on va passer à la première partie avec une nouvelle virgule. Oui, il faut la faire écouter, c'est la nouvelle virgule pour passer à la première partie. Voilà, je suis assez content de ma virgule. Ben moi aussi, en plus c'est du Nintendo et c'est pas du Sega comme la dernière fois qui faisait mal aux oreilles. Là. Quoi, celui-là ? Aïe. Je l'ai encore. Donc première partie, de quoi on va parler ? On va parler de Jak and Daxter déjà, hein, et de Steam qui a rendu hommage à plusieurs jeux. Alors tout d'abord, pendant quelques jours, la Steam s'est penchée sur une collection de jeux très inspirée des années 80-90, avec des rabais jusqu'à 75%. C'était une bonne idée pour trouver des jeux de Noël, et surtout pour trouver des jeux récents qui rendent hommage aux oldies en fait. Donc jusqu'à la fin du week-end dernier, ça s'appelait les Classic Returns. Et donc c'était des jeux d'inspiration, voire des remakes complets, des reboots. Il y avait par exemple Army Krog. Alors si vous connaissez pas Army Krog, c'est la suite quasi directe de Skull Monkeys, qui était un très vieux jeu de d'action avec des personnages en pâte à modeler. C'était du Clayman. Donc c'était des petits personnages en pâte à modeler comme Wallace et Gromit. C'était un jeu, un des premiers jeux qui avait fait ça. C'est un très très bon jeu. Il y a Yooka Laylee qui est le Banjo et Kazooie. C'est la suite de Banjo et Kazooie sur N64 à l'époque. Yooka Laylee quoi. Ouais, Yooka Laylee. Il y avait Age of Wonders 3, il y avait Divinity Original Sin, il y avait Chevalier de Baphomet 5, Shadowrun Trilogy, Westland 2, Xenonauts. Tout ça, c'est des trucs vraiment très inspirés d'anciens jeux, on va dire, d'oldies. Donc voilà, et parallèlement à ça, il y a Sony donc, qui nous a présenté le pack Jak and Daxter qui est sorti là, mercredi dernier, je crois, sur PS4. Et c'est un pack avec Jak and Daxter, Jak 2, Jak 3, Jak X. Et voilà, tout ça avec un gros pack qui propose du 1080p, des supports, des trophées, etc. pour 40€, c'est pas mal. Donc voilà, le truc c'est, est-ce qu'il faut se réjouir de revoir du bon jeu, du vrai bon jeu d'époque, ou est-ce qu'il faut pleurer sur l'absence totale d'originalité en fait ? Parce que là, clairement, les éditeurs, on a l'impression qu'ils nous sortent que ça. J'ai envie de me faire l'homme du consensus. J'avais un esprit escalier qui me convient tout à fait. Vous l'avez préparé tout à l'heure ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on est bon, c'est tout. Non, c'est... En fait, moi je suis effectivement toujours super content quand il y a un... Je vais prendre encore, tant pis, Blizzard, peu importe, c'est marqué sur ma gueule, mais c'est, ils vont ressortir WoW. Au micro! Ils vont ressortir WoW Classic, par exemple, et moi, je suis un peu plus heureux qu'ils ressortent ce jeu, parce que ça fait 15 ans que j'y joue, et je suis content de revenir aux origines, tout comme, effectivement, les Chevaliers de Baphomet, pour moi, c'est des souvenirs de dingue, et je sais que je trouverais pas aussi bien dans la plupart des jeux qui sortent maintenant. Non, mais tu pars du principe que donc c'est des jeux qui ont été faits par les mêmes éditeurs, par le même développeur qu'à l'époque, et qui restent dans la suite. Parce que des fois, il y a des éditeurs qui s'amusent à sortir des jeux en hommage. Oui, bien sûr. Oui, on parle d'une équipe de dev qui est sensiblement la même, quoi. Ouais. Ben? Mais c'est-à-dire que tu demandes si est-ce que c'est dommage de s'inspirer des vieilles recettes et de pas inventer de nouvelles choses, ou de capitaliser sur la nostalgie en ressortant des trucs qui existent déjà. Non, mais parce que c'est ressortir des choses qui existent déjà, ou alors faire des suites vieux jeux. Là, on parle de suites pour le coup, ce qu'ils ont sorti. De vrais jeux qui n'existent pas. Mais après, t'en as beaucoup. Bon, là, on parle des Chevaliers de Baphomet. Dans la liste, il y a les Chevaliers de Baphomet. Mais là, pour le coup, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que c'est la même équipe de développement. C'est Revolution Software qui l'a fait. C'est Charles Cécile qui avait fait le jeu à l'époque, qui était toujours dans le studio. Ils ont fait un... Oui, il s'appelle comme ça, je suis désolé. Non, mais ça me faisait penser à Michel Ancel. Michel Ancel, Charles Cécile. Bah, d'ailleurs, ils sont potes. Et, qui a fait le studio, qui a refait le studio, qui a remonté ça, qui a fait un Kickstarter à l'époque. Bon, moi, j'avais backé dedans, donc je m'en rappelle. C'est galère pour eux. Ils font un Kickstarter quand même, tu vois. Donc, c'est... Non, c'est vrai. Oui, et voilà, c'est galère pour eux. Parce que quand c'est des vraies suites comme ça, finalement, quand c'est pas un éditeur qui prend à son compte un jeu qui existait, un gros éditeur de maintenant, hein, par exemple Ubisoft, EA, qui dirait, tiens, ce jeu-là m'avait fait kiffer à l'époque, j'en fais une suite et je la sors, là c'est facile. Par contre, quand c'est vraiment le studio de l'époque, ça a l'air plus difficile, mais... Le problème, c'est pas vraiment le manque d'originalité, c'est justement le fait que on manque pas de projets originaux dans le jeu vidéo, contrairement au cinéma par exemple, enfin gros blockbuster, Hollywood et tout. Mais alors, des fois, on a envie de leur dire, les mecs, reprenez des vieilles formules, quoi, parce que vous faites plein de trucs originaux, mais si c'est pour nous faire du Destiny et des machins comme ça, faites Chevet de Baphomet plutôt. Bah oui. Mais surtout que si quand tu regardes les awards et tout ça, bah là il y en a eu une flopée cette semaine. Il y a eu on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission, les Games Awards, les Ping Awards qui sont la version française. Il y en a d'autres qui vont arriver là peut-être. Quand tu vois les trucs qui ont été votés, c'est genre du Mario et Mario Lapin Crétin. Mario Lapin Crétin. Les Games Awards, c'est du gros triple A, beaucoup hein. Ouais, c'est du triple A, mais quand tu regardes les triple A qui sortent aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne voit plus aucun jeu originaux. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, quand t'as des jeux originaux genre Detroit. Sur une idée originale, tu veux dire ? Sur une idée originale. Qui ne s'inspire pas, qui ne fait pas suite à quelque chose. Oui, qui ne prend pas le background de quelqu'un. Qui n'est pas un remake aussi, parce qu'il y a beaucoup de remakes. Cuphead aussi, bon, on en parle à Cuphead, chaque émission. Cuphead, pour le coup. Ça fait 9 émissions qu'on en parle. Mais... Pour le coup, Cuphead, voilà, c'est il y a eu l'originalité. C'est original, mais c'est basé sur un univers existant déjà. Enfin bref, ouais. C'est pas très pertinent comme remarque. Mais, non, mais l'univers. Des cartoons et tout, Mais c'est pas, ça a jamais été. C'est original dans le sens où ça a jamais été adapté en jeu vidéo. Ouais. Moi je reste ce que je disais. C'est bon, reprendre un peu plus de vieilles formules et de faire des suites deux vieux jeux qui avaient des gameplays différents. Faudrait qu'on en fasse plus. Faudrait en faire plus, ouais. Ouais, faut en faire plus. Il ferait une des gros jeux, quoi. Pas des indés qui se démènent à faire Kickstarter. Comme tu disais, qu'il y a des gros studios qui se disent, on va refaire un gros hit d'avant. On manque pas d'originalité, on manque d'audace, en fait. Enfin, les studios. De talent, en fait. Oui, d'audace, t'as raison. On va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, si on veut des jeux audacieux, faut être un peu audacieux. Mais tu vois, il ferait une suite maintenant de Monkey Island, par exemple. Ils en ont fait une. Oui, non, mais Telltale a fait la suite de Monkey Island et après ils ont ressorti un remake. Oui, non, mais voilà, non, mais un vrai truc, on va dire actuel maintenant, genre limite, j'exagère, en VR et tout. Enfin, ouais. ça serait ouf quand même. Ben, moi, j'aurais peur. Honnêtement, j'aurais peur. Si c'est Ron Gilbert, si c'est oui, après avec la même base équipe, de dev en fait. Ouais. Si c'est la même équipe, à la limite, oui. Mais je sais très bien que s'ils refont quelque chose, LucasArts n'existe plus. Lucasfilm Games, LucasArts n'existe plus. C'est Disney. Voilà, ils sont capables de nous foutre du X-Men dedans parce qu'il y a Marvel dans le groupe et juste pour faire un peu plus. Tu feras pas de thunes avec des jeux comme ça parce que nous, on est des vieux joueurs qui datent d'une génération où on était beaucoup moins nombreux et ça plaira aux vieux, mais les vieux, ils étaient 1 million dans le monde. Maintenant, il y a 500 millions de joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est pas ça qui leur plaît. C'est pas Monkey Island 3. Tu toucheras moins que Battlefield, quoi. Oui, ah ouais. Mais là, vous voyez l'aspect. Là, vous êtes petit voilà. Épicier, quoi. Hein, voilà, petit... exactement. Ah, mais faut faire rêver les gens. C'est comme les développeurs, c'est les éditeurs qui sont comme ça. Nous, on n'y peut rien. On est des braves gens de. Ok. Des braves joueurs, quoi. Ouais, bah, on est des braves joueurs et on espère voir donc Chevalier de Baphomatis bientôt. Ce serait bien. Ok, très bien. En film. En film. Non, commence pas. Et bah, avec The Rock. On va passer. Oui, avec The Rock. Qui va faire beaucoup de films sur des jeux vidéo ces prochains temps. On va passer à notre deuxième petit débat sur l'annonce qui est tombée à virgule, pardon. Voilà. Oui, merci, virgule. God of War, annoncé par erreur pour mars 2018. Le 22 mars 2018, d'ailleurs, sur le PlayStation Store. On en saura plus lors de la PlayStation Experience qui se déroule en ce moment même. Ça va durer jusqu'à demain matin, 3h30. Et entre-temps, Sony a redaté sur son site le truc au 31 décembre 2018 pour faire genre « Ah ouais, non, mais ce sera en 2018, mais on vous donne pas la date, mais on donne le 31 décembre. » 31 décembre à 23h59. Ouais, ouais. On aura jusqu'à ce moment-là pour le sortir, et aucun problème. Alors moi, ma question, c'est pas tant sur God of War, c'est sur est-ce qu'on va... D'ailleurs, ça va être un peu toute la thématique de cette émission. Les triple A, comme on les appelle, hein. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y en a vraiment, mais je reviens encore sur la même question, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup des triple A intéressants ces derniers temps? Parce que pour nous ressortir une suite d'un jeu qui a 15 ans. Ouais, God of War, oui, le premier. Intéressant, j'ai pas joué à l'année passée pas joué à God of War. À 7 jeux moi, récents pas joué à pour vous dire quoi, mais comme ça, je sais pas, j'aime. Bah, les God of War, après c'est. Il y en a eu combien? Il y en a eu un seul? De quoi? God of War. Non, il y en a eu 4. 4? Ouais, donc c'est le cinquième. Ah bon? Okay. Ouais, ouais. Ah non, c'est une énorme franchise et qui a pour le coup une exclue, Play. Exclue Play, ouais. Enfin, Sony, du moins. Mm. Et après, elle est. Oui, et d'ailleurs, oui, donc c'est censé sortir 22 mars 2018. 22 mars 2018. Mais. Le premier était sorti le 22 juin 2005, c'est un hommage. Ouais, voilà, ouais, c'est censé être genre 13 ans, enfin, ou un peu moins de 13 ans, de décalage, ouais, ou un truc comme ça. Ouais. Mais et donc c'était quoi la question de base? Est-ce qu'il y a eu du triple A très enthousiasmant et très très bien cette année passée par exemple quoi. Parce que pour nous ressortir un God Forza, of War. Après God of War était très. Bah, est-ce que Destiny par exemple est censé parce que Destiny était attendu à mort. Mais est-ce que c'est considéré comme un triple A? Voilà, oui, je pense. Mais qui, voilà, mais ouais. Qui du coup est un peu bon. Et un peu bah ouais et s'épuise déjà en fait. C'est un peu le problème. Wolfenstein, est-ce que c'est Encore une fois, Wolfenstein, c'est une suite d'un remake. Oui, oui, non, voilà. Ah non, tu veux dire un triple A qui part de rien, en fait, qui n'est ni une suite un de rien du tout. Triple A original, tu vois. Bah, Mario et Lapin Crétin. Bah non, ça fait 15 ans qu'ils font des oui, Lapin oui, Crétin. Non, mais, oui, mais c'est une réunion qui n'avait jamais été original, faite. Original, en fait. Dans le sens où c'est la première fois où les deux étaient ensemble. Ah ouais, non, bah non, t'as raison, je me suis pas rendu compte, mais ouais, il y a pas de. Bah là, on a le parallèle avec Hollywood, quoi. C'est-à-dire, on fait des suites de machins, de remakes. Oui, après, tu prends un perso et tu focalises dessus. Mais maintenant, t'as quand même des jeux indés ou des jeux voilà qui sont il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les graphismes et tout mais maintenant ils peuvent avoir du jeu indé avec du graphisme correct par exemple avec des bonnes sensations de jeu des double A peut-être qui sont bien des double A n'importe quoi je sais pas quoi existe, hein. Les double A voilà donc ouais non mais c'est vrai des triple A originaux moi j'ai pas de réussi après tu peux trouver ça réussi tu peux trouver Forza Motorsport hyper réussi donc dans le sens là c'est un bon triple A ça dépend ce que t'en attends. Voilà, c'est comme on disait avec les blockbusters hollywoodiens, tu peux trouver ça cool parce que toi, t'attends que ça pète et tout. Et bah ouais, tu vas jouer au dernier Call of, ouais, ça va péter. Oui, concrètement, voilà, c'est oui. Ça va être beau, ça va péter. Call of, même si t'es pas fan, tu sais pourquoi c'est hollywoodien. Tu achètes Call of, quoi. Ouais. Tu sais que tu veux que ça pète dans tous les sens. C'est un peu pareil d'ailleurs. Un rail pendant deux heures. Ouais. C'est un peu pareil pour FIFA, je trouve. Tu vois, chaque année, il y a le débat FIFA PES. Finalement, quand t'es fan du blockbuster américain, bah tu peux que kiffer FIFA parce que voilà, parce que t'as la sueur en 3D, parce que non mais tu vois, c'est les petits détails qui font que t'aimes. Bah, de toute façon, c'est un peu la même, c'est un peu la même guéguerre que DC contre Marvel, quoi. Ouais. Mon idée. Ça veut dire quoi? Que Marvel c'est réaliste et que DC c'est sombre. Non, mais c'est que t'en as toujours qui seront tout fans d'un. De toute façon, moi j'aime aucun des deux, alors tu sais, je m'en fous pas mal. Dit-il en mettant un t-shirt Superman au moins 8 fois par jour. Comme il fuit là, comme il fuit. 8 fois par jour, 8 fois par semaine. Monsieur, vous fuyez le débat, c'est insupportable. Mais c'est pas insupportable. Du tout. Mais ouais. Sinon, non, pour revenir à God of War, il a l'air de. Enfin, ouais. Pour le coup, il a l'air Est-ce de. Est-ce que tu as hypé par la nouvelle? À fond. Mais le problème, c'est que j'ai pas la PS4. Ça va être plus compliqué. Ça va être un peu le problème. C'est très con. C'est un peu comme moi avec D3, quoi. Message subliminal pour c'est bientôt pour mon anniversaire en plus. C'est Noël et les autres. Si Sony nous écoute. Voilà, on sait jamais. Mais non, il a l'air vraiment, vraiment sympa. A priori, c'est le plus. Bah, justement, on en reparlera aussi vite fait tout à l'heure. C'est le plus brutal de la série, en fait. Parce que ouais, il a enlevé les deux armes dans chaque enfin l'arme dans chaque main et là il passe à la hache de main, l'hache de guerre et il fait une un ouais voilà main. Ouais, il a une hache à la place de la main. Non, il a une hache de main mais aujourd'hui il a hache à deux mains. Oui, d'accord, ok, pardon. et il est sorti la grosse barbe, enfin c'est plutôt mode hipster. C'est toujours Kratos. Parce qu'il a une grosse barbe, il est hipster. C'est ça, mais non, c'est non, mais God of War hipster à Los Angeles. C'est exactement ça. Une chemise de bûcheron aussi. C'est exactement ça. Et il arrive sur un vélo à pignon fixe. Comme et il mange vegan. Oh, les petits ça va. et vegan. Et voilà. Et des petits tatouages et tout. On rappelle à Kratos, c'est le héros. C'est un jeu d'action mythologique. C'est ça, en gros. C'est il se battait contre ça. Des dieux. Contre le dieu de la guerre. Enfin, ouais. C'est ouais. Un peu... Oui, bah de toute façon, en gros, dans chaque. C'est un Kevin Sorbo avec une. Contre les titans, contre les dieux, contre. Ouais, ouais. Il monte carrément dans à l'Olympe et il défonce tout ce qui passe. Enfin, c'est ouais, il rigole zéro. Non, quoi. J'ai pas vu la suite vu qu'il y en a eu 4. Par contre, le premier, je m'en rappelle qu'à l'époque, ça avait fait un carton. Ouais. 18/20 de moyenne à l'époque. Donc, je sais pas si ceux d'après étaient aussi bons. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau jeu qui soit aussi bon que les anciens, du coup? Honnêtement, je pense pas qu'il y en ait un qui ait vraiment, qui ait une note dégueulasse. Je pense qu'ils ont tous au moins eu un truc genre 14 ou 15, au grand minimum, parce que c'est toujours magnifique et niveau respect de la mythologie, c'est vraiment bien foutu. Et après, bon, alors, je t'avoue que les OST, je m'en fous pas mal, mais le gameplay, bah, moi, c'est ce que je cherche en allant sur la PS4, ou la PS, du moins, c'est à tartiner, à appuyer comme un débile sur les boutons et à tuer du monstre, quoi. Donc, si tu cherches ça, c'est le jeu parfait pour moi. Donc, Jerem est hypé. Carrément. Il manque plus que la PS4. Tu vas la mettre 20 fois dans l'émission. Bah oui, bah du coup c'est une virgule, c'est pour ça. Non, on va parler on va prendre le temps de parler d'un autre petit sujet qui me tenait à cœur en tout cas moi, c'est The Infectious Madness of Dr. Decker. C'est un interrogatoire en FMV qui arrive sur PS4. Alors le FMV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le full motion vidéo. Vous connaissez forcément Phantasmagoria, Blade Runner, le hardissime Dragon Slayer, les Sherlock Holmes sur DOS à l'époque. C'était genre Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. Vous pouvez voir le test sur GameTrip.net, voilà, petite pub. Voilà, donc ces genres de gens en FMV. C'est un jeu d'interrogatoire qui sera disponible sur PS4, Xbox One et Switch, qui est disponible sur Steam depuis le 19 mai. Et c'est un jeu d'enquête, donc en prise de vue réelle, où vous êtes un psychologue. Oui, c'est ça, voilà, qui interroge des gens. D'anciens patients d'un psychologue de Dr. Decker qui apparemment n'est pas tout net, quoi. Voilà. Et du coup, il passe dans votre canapé devant vous et voilà, c'est un univers sombre à la Lovecraft un peu avec maladie mentale. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bizarre de comparer à ça parce que c'est des mecs dans un vivant qui parle. C'est pas tant le voir, ouais, c'est pas vrai. Vraiment dans un. Ouais, on est plutôt assez cool par rapport à du Lovecraft. Après, le joueur donc est directement dans la peau du gars. Je pense qu'en VR, ça doit être une tuerie pour le coup, si jamais il sort vrai, en VR. Ouais. Et le joueur donc tape directement les questions comme dans les jeux textuels, les RPG textuels de l'époque. Donc il y a 1600 réponses qui ont été tournées en FMV, donc en capture de mouvement, enfin même pas en capture de mouvement. En prise de vue réelle. En prise de vue réelle. Si les gens ne parlent pas l'anglois. Voilà, c'est ça. Donc du coup. C'est voilà, c'est un jeu qui me fait, moi c'est un jeu qui m'a fait penser à Elle est Noire. J'en reparle un peu vite fait parce que il ressort sur Switch, PS4 et Xbox One. Mm-hmm. Il va bientôt arriver sur Vive justement. Elle est noire, tu veux dire elle est afro-américaine. Mais non, elle est Los Angeles. C'est une blague qu'on faisait à l'époque. Los Angeles noire. Los Angeles noire. Tu connais pas Elle est noire. Elle est noire. Non, je crois pas. Et ben là, c'est pas du FMV pour le coup, mais c'est un peu le même concept où le but c'est de discuter avec des gens, on dirait Bob Lennon que tu fais ça. Le but est de discuter avec des gens et c'était photoréaliste ouais, en fait. C'était pas de la FMV, mais c'était non. C'était genre regardez notre nouvelle, c'était un des premiers jeux de la One. Non, c'est sorti sur PC au début. Voilà, et c'était un peu genre regardez des visages qui ont l'air presque réels. En fait, le principe c'était aussi des jeux d'enquête où il fallait déceler un peu si les gens mentaient, voilà, les indices tics, tout ça. De visage. Et en fait, voilà, il fallait regarder si le gars il regardait en l'air quand il vous parlait, ouais, ou s'il faisait l'amour. Bon. C'était les débuts. Bon, ouais. Je trouvais ça vachement cool. Donc là, ça va ressortir. J'ai bien merdé avec ce jeu d'ailleurs. J'étais vraiment un chien. T'es un enquêteur en fait pour. Il fallait regarder Lie to Me. T'es dans les années 20, je crois, à Los Angeles, un peu en mode. Années 20, Black Dahlia, quoi, tu vois. D'ailleurs, il y a le Black Dahlia qui est autour. Voilà, il y a l'histoire de Black Dahlia, le roman de James Ellroy avec une histoire vraie, une actrice assassinée, etc. Et donc tu fais des enquêtes, tu arrives sur les scènes de crime et tout, tu regardes les cadavres et tout ça. Ça, c'est une partie du jeu. Et sinon, tu interroges des gens. Tu changes de service. D'abord, t'es aux mœurs, ensuite, ouais. t'es à la criminelle et tout. Et tu dois détecter dans l'interrogatoire qui ment, qui ne ment pas. Et si tu dis à un mec, vous mentez, et qu'en fait, il dit la vérité, il va se braquer. Et ouais. Tu n'auras plus d'indices. Voilà. C'est assez dur, hein. Moi, j'en ai chié. Et là, je pense c'est comme le loup-garou, en fait. C'est comme le jeu du loup-garou. Ouais, en vachement mieux. C'est un peu comme plouf plouf, quoi. C'est un peu comme le tas de merde, finalement. Non mais voilà, du coup pour parler de la VR, parce que là Elle est noire va sortir sur Vive, donc en casque de réalité virtuelle, avec la VR, avec la qualité graphique actuelle, on va s'orienter avec des jeux comme ça. Moi j'avais regardé un peu les vieux jeux en FMV, là c'est vrai que ça m'a rappelé plein de souvenirs, quoi. Ouais. Quand on est sur Game Trip FM, c'est bien, on peut en parler. Genre moi j'avais joué à Spycraft, ouais. Qui est un jeu dans le monde de l'espionnage. Avec des acteurs et puis les acteurs étaient assez mauvais mais des fois étaient assez mauvais, genre qu'est-ce que vous faites dans mon bureau, et mais des fois ils étaient pas mal. Puis il y a des jeux, alors Night Trap, ça je me souvenais plus, t'es dans une maison où il y a des jeunes filles qui sont attaquées par des espèces de vampires moisis, c'est un slasher en fait, et ouais un slasher, et t'as des pièges avec des caméras partout en maison que tu dois déclencher au moment pour sauver les gens, en mode maman j'ai raté la vie. Ouais, ouais. Il y avait Mad Dog Macri. J'étais à la fête foraine à Trieux, j'y venais. Et t'es un cow-boy, tu vois. Et en fait, t'arrives dans une ville et tu fais, hey, l'étranger, qu'est-ce que tu fais là? Il faut nous aider à battre le desperado. Et t'as des mecs qui sortent et tu les shootes, quoi. Ah, c'était un truc de foire, quoi. Ouais, un arcade. Non, oui, c'était un jeu d'arcade. Ouais, t'as Seven Guests, le jeu horrifique. Ouais, les mecs My Video. Tu te souviens des mecs My Video? Mm. Tu pouvais faire des clips à partir d'images de In Excess, Criss Cross. Et Marky Mark. Bah, c'était à l'époque, quoi. Qui est quand même Mark Wahlberg, quoi. Marky Mark, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est Mark Wahlberg, ouais. C'est horrible. et puis, Beyond Two Souls aussi, plus récemment, par Quantic Dream, qui est le développeur de Détroit. Je suis content d'être né après. Et de Quantic Dream. Ouais, c'est bien. Oui, ça fait un peu rétro. Je suis content d'être né après tout ça. Pourquoi? T'es pas né après tout ça, quoi. Si. Moi, j'ai joué. Ouais, bah attends. Non, j'ai pas joué. Il y avait une grosse mode dans les années 90 à fond où, genre, regardez cette technologie révolutionnaire. Bah, Seven Guests, c'était typiquement ça. Hein. Et c'était la mode, les gens kiffaient. Ils disaient, c'est super réaliste, bientôt on va la réalité virtuelle et tout. En fait, on est revenu à du pas FMV. Retour du FMV ou retour du pas FMV, mais non. Quand même du VR à FMV, quoi. Ah, avec la VR, peut-être. Parce qu'avec la VR, ça veut dire que maintenant, tu seras dans le. Bah, c'est-à-dire que tu, je sais pas pourquoi. C'est intéressant, mon question. Pourquoi est-ce qu'on a quitté le FMV pour faire du. Trop lourd. Du jeu, ouais. Vu la posture très suggestive que prenait la demoiselle sur l'article, en tout cas. Étendue sur le divan, ouais. Je pense que un petit coup de VR serait sympa. Oh, l'autre. Faut tout de suite que ça parte. Bon, allez, on enchaîne parce que là, ça commence à devenir un peu limite, quoi. Une virgule. Non, pas de virgule, pas du tout. Ouais, donc du coup, ouais, non, moi je l'attends beaucoup. Hein, ça va sortir au printemps 2018 là sur les nouvelles consoles. Donc voilà. Parce que t'as l'Oculus Rift, espèce de sale riche. Non, c'est pas prévu. Il y en a deux même. Il y en a cinq. Non, il y en a un qui est reparti. J'en ai plus qu'un seul. Ah, c'est bien. Mais non, justement, en plus, il est pas prévu en VR celui-là. C'est assez dommage. Et je pense que l'adaptation VR, c'est combiné du FMV et la VR, ça doit être. Mais moi j'ai une question du coup. Enfin, je sais que je parle beaucoup de durée de vie des jeux en général. Mais là, on va dire, si tu finalises ton enquête, si tu découvres. Il y a 1600 réponses tournées dans le jeu. Ouais, ouais, mais une fois que t'as découvert, par exemple, voilà, qui a tué machin, enfin, peu importe. Pamela Rose. Ouais, voilà. le jeu est terminé, c'est merci, au revoir, bisous. Tu peux peut-être le refaire avec d'autres questions, mais. Ouais, il y a peut-être. À mon avis, tu le finis pas en 2-2, quoi.

En lien avec cette fameuse polémique, enfin fameuse, on va en parler tout à l'heure, sur Detroit Become Human, où le choix moral et le dilemme moral est un peu la base de ce jeu, où voilà, on doit choisir d'intervenir ou pas sur un scénario. Je voulais faire une chronique sur justement cette notion-là dans le jeu vidéo, qui est assez répandue, quoi, plutôt récemment, mais il y a plein de jeux de manière un petit peu différente qui utilisent ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vraiment une mécanique de jeu qui est différente de classiquement vaincre ou être vaincu, quoi. Un peu la base d'un jeu, quoi, finalement. Gentil et méchant. Gentil et méchant, etc. Là, t'as ce genre de choix que tu dois faire en ton âme et conscience et qui, souvent, ça marche jamais à 100%, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque choix que tu vas faire, ça va avoir une incidence. Et du coup, par exemple, dans les jeux Telltale, qui sont les plus connus, le choix moral, c'est la base de ces jeux, ils sont multipliés ces derniers années. Leur première franchise, c'était The Walking Dead. Ouais. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, tu fais partie d'un groupe de survivants et tu dois, un peu comme dans la série, toujours faire des choix un peu cornéliens entre sacrifier tel personnage ou pas. Quand il y a une attaque, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois t'attacher à telle personne ou à telle autre, faire une alliance au risque de vexer quelqu'un d'autre, etc. C'est du Koh-Lanta. Merci pour cette comparaison. C'est aussi bien que ta comparaison tout à l'heure avec. C'était quoi déjà? Je sais plus. C'est aussi bien. C'est pas du tout dévalorisant pour le truc. Voilà. Non, mais je mets la barre. Essaye de. Oui, là, un peu de hauteur au débat. Je vais lui couper le micro. Donc, alors, ce qui est marrant dans les jeux Telltale, c'est que contrairement à d'autres jeux, comme par exemple, je prends ceux que je connais, Far Cry 3, je me souviens du choix final que t'as. C'est juste une seule fois dans le jeu, tu dois choisir entre exécuter tes amis ou les épargner, en sachant que tout le jeu, t'es devenu un peu un espèce de fou, quoi. En fait, t'as été formé à survivre, etc. Et c'est assez bien fait. Dans Fallout, je me souviens le premier Fallout que moi j'avais choisi de buter par exemple un groupe de mecs parce qu'ils avaient du stuff super intéressant et je me suis rendu compte en fait que il y avait un futur allié dedans. Donc du coup ça tu te dis ok j'ai fait un choix foireux. Dans Fallout 4, t'as une captive à un moment d'un groupe où tu dois repérer les synthétiques pour savoir si ou non c'est un robot. Les synthétiques, c'est un peu comme les réplicants dans Blade Runner. Et donc tu la butes, si t'es un peu pressé, tu la butes pour savoir si c'est une synthétique ou pas. Voilà. Bon, vous voyez un peu le genre. Alors, ce que j'aime, c'est que tu ressens quand même souvent du remords et que tu te poses d'autant plus de questions sur la raison de ton choix, sur ce qui a motivé ta décision, et surtout dans un laps de temps court. Comme dans les jeux Telltale, quoi, ce qui fait qu'ils sont assez réalistes. Voilà, pour les gens qui sont scandalisés, le trailer de Detroit Become Human, ok, les jeux, c'est de l'émotion, quoi. Et tu te poses des questions sur toi-même. Ça va vraiment, ça met le jeu vidéo vraiment à un autre niveau que je trouve super intéressant. Un autre aspect que je voulais parler aussi à propos de ça, c'est que je voulais évoquer, c'est que le choix en fait c'est super relatif. Enfin, je me suis un peu renseigné et tu te dis ouais j'influe à mort sur le scénario en prenant telle ou telle décision et tout. Et en fait, il y a un développeur qui disait vous vous rendez compte si on devait vraiment tout changer à chaque prise de décision, ça ferait des jeux énormes et on aurait très très court et avec plein de possibilités différentes mais très court. Donc techniquement c'est infaisable et ça donc limiterait beaucoup la durée de vie du jeu. Donc par exemple dans un Telltale, la conséquence première c'est que le jeu il va charger un personnage différent selon celui que t'as sauvé ou que t'as qui tu t'es mis en alliance et tout, puis l'autre il va aller bouder et tout. Mais c'est pas grave parce que finalement c'est la sensation d'avoir pu faire un choix personnel plus ou moins conscient d'ailleurs, qui parfois est même instinctif, et tu vas dire pourquoi j'ai fait ce choix là après le coup, tu vas dire putain je voulais pas faire ça, mais en fait instinctivement tu vas faire ça. Donc ça en dit pas mal sur toi-même. Et ouais, ça va, je trouve ça assez loin quoi sur psychologiquement le l'impact des jeux. Et donc voilà, ça constitue tout l'intérêt de l'expérience. Ça donc tu dépasses la simple notion de réussite ou de défaite et ça empêche pas de le divertissement quoi, de ne pas simplement vaincre ou être vaincu, mais ça réduit ça accentue la profondeur du scénario du jeu. Ça accentue le divertissement pour moi. Et ça accentue le divertissement. Il y avait un excellent épisode d'une émission qui s'appelle Beats sur Arte, qui s'appelle Gamer's Choice, qui est consacré à ça. Et il y a un mec qui est interviewé qui dit le joueur, c'est un peu une illusion pour lui, les choix qu'il fait, il a l'impression qu'il va influer sur le scénario, alors que c'est pas le cas, comme on disait. Mais il dit, un jeu, ça se déroule avant tout dans la tête du joueur. Et ça, c'est vraiment vrai. À faute d'expression mieux foutue. Donc voilà, même si les choix sont un peu artificiels, le joueur il éprouve vraiment la sensation dans sa tête, donc le plaisir demeure. Et c'est voilà, c'est nous qui construisons la réalité du jeu. Ça nous implique et nous interpelle intimement. C'est donc c'est une leçon de vie, comme c'est... ils disent. Je trouve ça magnifique. Comme ils disent dans Love Story, pour prendre des références de. Ah oui, puis un autre truc aussi. Ça peut même aller plus loin, la notion de choix, comme ça, dans le jeu, ça peut aller plus loin, parce que t'as des jeux en QTE ou avec des situations bien précises, on va te dire, choisis maintenant, joueur. Mm. Et il y a la notion de roleplay, quoi. Mm. Et aussi là-dedans, parce que si tu choisis d'incarner un personnage dans un jeu et qu'il a un caractère particulier, il faut que tu t'y tiennes. Enfin, il y a des gens qui n'ont rien à foutre, qui disent ah tiens, je vais aller brûler un village pour délirer, alors que pendant tout le jeu, j'ai sauvé des paysans. Mais c'est vrai. Mais quand tu joues dans vraiment. Dans le Telltale de Batman, par exemple, ouais. Je joue en Batman. Donc quand, par exemple, il faut rêver, enfin, il faut parler plus ou moins de sa vie privée. Je veux pas en parler. Quand tu vois plusieurs choix qui sont influencés par le personnage avec qui je joue, quoi, finalement. Tu joues un Batman réaliste. Quoi. Je joue un Batman réaliste. Ouais. Quand je jouais. Donc tu t'y tiens, quoi. T'es... Genre zéro fun, quoi. Zéro fun, voilà. Ou quand je jouais avec dans Walking Dead, si j'avais dans le deuxième dans le premier, tu joues avec Clémentine. Non, c'est dans le deuxième. Tu joues avec Clémentine, donc la gamine. Ouais. Tu as fait une promesse au début où tu dois la préserver de tout. Dans le premier. Ouais. Et du coup, des fois, il y a des choix où est-ce qu'il faut qu'elle voit que le monstre est en train d'attaquer son pote, ou est-ce qu'il faut qu'elle ne le voit pas. Enfin, est-ce qu'il faut l'endurcir ou pas. Voilà, ouais. En lui donnant une arme pour tirer ou des trucs comme et ça. Et on revient à la pédopsychiatrie. Ah là, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, je faisais toujours mes choix en relation avec la promesse que tu lui avais fait dès le début, avec le fait qu'il fallait la préserver, fallait pas qu'elle voit les monstres et tout ça. Et j'ai toujours suivi mon truc comme ça. Donc le roleplay était influencé par. Et à la fin, est-ce que tu as choisi quand Lee se transforme en zombie, est-ce que tu as choisi que Clémentine l'achève ou qu'elle l'achève pas? Il y avait 4 fins différentes et j'en ai fait 3. Ah, non, mais la première, tu te souviens? La première, c'était. Oui. Voilà, je sais plus. Non, elle l'a achevé. Elle l'a achevé, d'accord. Ouais. Bon, moi, j'ai pas pu. Et après, je me suis dit, non, c'est trop horrible d'acheter ce personnage avec qui tu t'étais trop attaché. Et il a pleuré. Et tu dis, sûrement comme elle, sûrement comme elle, si c'était le jeu, t'as la réalité. T'as des remords en te disant, je me suis préservé moi-même de buter un ami, ouais. Mais j'aurais pu le soulager, éviter qu'il se transforme en monstre dégueulasse. Exactement. Et du coup, t'as des remords. Et ça, c'est quand même hyper fort, quoi. Je veux dire, voilà, les gens qui pensent que les jeux vidéo, c'est. Il vous le dit pas, mais à l'époque, il m'a dit qu'il avait pleuré. Vous faites peur, en fait, quand même. Ah non, mais attends, t'as pas. Attends, tu veux quelque chose qui fasse peur? On va parler des trois dans quelques secondes. Tu vas voir. Là, ça fait peur. Voilà, on va parler donc de Détroit. J'ai juste envie de mettre ça. C'est l'enchaînement parfait. C'est l'enchaînement parfait. Détroit, donc on a parlé dans ta chronique. Explique. Quantic Dream, c'est le studio de David Cage qui est mulhousois, contrairement à ce que son nom dise. Oui, il s'appelle David. Mulhousien. Enfin, il est alsacien, quoi. donc c'est le créateur de Fahrenheit, Devil Rain, de Beyond Two Souls et des jeux plutôt orientés narration interactive. C'est jamais été des vrais jeux, ce qu'il faisait. Presque du FMV d'ailleurs. Beaucoup de captures de mouvement, c'est un studio reconnu dans le monde maintenant pour faire de la capture de mouvement. Fahrenheit, c'était le premier dans ce cas-là. Et en fait, on parle beaucoup d'eux ces derniers temps parce que, même de toujours, on a toujours parlé beaucoup d'eux parce que les jeux, justement, ils sont très réalistes, voire trop réalistes. Et là, c'est tout récent, Detroit Become Human, prévu pour 2018 sur PS4, qui fait beaucoup parler, donc. Le problème, c'est qu'il y a une séquence de trailer qui montre une fille maltraitée par son père. Et pour le coup, on voit pas grand-chose. J'ai regardé cette séquence de trailer, je sais pas si tu l'as vu, Ben. Bah oui. On voit pas grand-chose. Il y a une ellipse. Déjà, c'est pas une gamine, c'est un androïde qui se fait agresser contre un mur. Et ensuite, on voit une gamine plus ou moins morte, en tout cas inconsciente. Je sais pas s'il y a confusion, s'il y a des images qu'on n'a pas vues, mais voilà. Donc on voit pas trop, mais la gamine battue, tu vois pas. Mais c'est quand même assez fort comme ça. Cette scène, elle a été jugée trop violente. Il y a de nombreuses associations, notamment l'association des parents. En Australie, qui souhaitent l'annulation purement et simplement du titre. La question, c'est est-ce que le jeu vidéo est-il devenu trop réaliste au point qu'il va devoir être soumis à toutes les lois de la vraie vie. Genre maintenant, on pourra plus picoler dans les jeux, le perso sera bourré d'office. Est-ce qu'on pourra plus tuer de flip dans GTA sous peine d'être fiché S? Tu vois, c'est au bout d'un moment, c'est. J'adore là. Ouais, non, mais voilà, au bout d'un moment, c'est. J'ai préparé celle. Il y a une frontière entre quand même le jeu vidéo et la réalité. Il faut qu'ils se calment les gens sur ce point-là. Bah ouais, carrément. Enfin, on devrait être habitué. Hein. Enfin, je sais pas. Ça fait des. D'accord. Bah, tiens, tu vois, il y a un petit enfant qui dit qu'il est pas d'accord. Pas d'accord. on devrait être habitué aux polémiques comme ça sur les jeux vidéo qui disent qu'on est des psychopathes et que les enfants vont tuer des gens parce qu'ils tuent des gens c'était Marilyn Manson, dans un jeu vidéo. Où c'était Marilyn Manson, et on devrait être habitué. Moi, j'ai du mal habitué à ça, et j'ai du mal à comprendre que des gens qui sont, parce qu'il y a des professeurs à la Queensland University, apparemment, que je salue, des sociétés de prévention, de la cruauté envers les enfants au Royaume-Uni, des gens qui sont censés être des gens intelligents. Bon, mais qui ceux qui n'ont probablement jamais joué à un jeu vidéo. Intelligent, c'est différent. Oui, exactement. Enfin, non, ils sont pas intelligents, ils sont très cons là-dessus, parce que moi j'ai noté des citations, par exemple de la Queensland University of Technology. Jouer à un jeu comme celui-ci ne transformera pas un individu en infanticide, mais cela contribue à l'acceptation et à la tolérance de la culture de la violence. Si vous jouez à un jeu violent et qu'elle est cette violence est représentée de façon réaliste, vous aurez plus de facilité à la tolérer dans votre vie, et vous aurez aussi moins d'empathie pour les victimes de cette violence. C'est vrai. Alors, moi. Personnellement, tu me montres autant de scènes dans un jeu vidéo que tu veux où un enfant se fait battre. Tu n'auras pas envie. J'aurais pas envie. Pourquoi j'aurais pas envie de battre des enfants? Parce que je suis quelqu'un d'équilibré, parce que j'ai une éducation avec des parents normaux, parce qu'on m'a pas frappé. Donc, c'est pas les jeux vidéo qui vont faire que je vais devenir, que je vais accepter la violence. Au contraire. Merci. Je te donne des points. Les amis, clairement, même si on n'a jamais joué à un jeu vidéo, on regarde ce trailer. Qu'est-ce qu'on ressent si on est normal? On a envie, parce que notre personnage d'android, il doit faire des choix. Ne pas réagir, parce que c'est un robot obéissant. Il se met à avoir une conscience humaine. Become human, comme on dit dans le titre. Donc, ils iront les trois lois d'Asimov. La robotique d'Asimov qui est ne pas, mais tu dois quand même, dans la loi d'Asimov, c'est tu dois sauver un adulte si tu mets pas en danger. Si tu mets pas en danger ta propre, humain. Ou ton intégrité aussi, non? Non, ça, c'est pas prioritaire. C'est à la fin, ça. Ouais, c'est la troisième. Bref, cette scène a été conçue pour que tu aies envie d'aider l'enfant, si t'es normal. C'est pas un jeu qui encourage à battre des enfants, comme on dit, une comtesse qui dit la violence de battre les enfants, ce n'est pas du divertissement. Non, c'est pas du divertissement. C'est pas que du divertissement, les jeux vidéo. C'est aussi autre chose. C'est faire réfléchir, se poser des questions, se dire j'ai de l'empathie pour des joueurs, pour des personnages. Ça t'encourage à sauver la petite fille, et à ce moment-là, les clips de prévention contre la violence contre les enfants, on va les enlever. Dans les films où il y a des enfants qui sont battus, on va dire, quand il y a un film où les enfants sont battus, on dit c'est formidable ce film, regardez cette œuvre qui sonde la noirceur de l'âme humaine, qui nous dénonce un problème de société. Attends, c'est justement ça la polémique, c'est pourquoi dans les films, on voit ça dans les films. Tout le monde dit, enfin personne. Et dans les livres depuis des siècles, parce que c'est immersif, parce que c'est interactif. Le jeu vidéo, c'est le petit frère autiste de la famille. Parce que les mecs, ils ont pas tout à fait tort. On peut débattre là-dessus. C'est parce qu'un jeu vidéo, c'est immersif, c'est interactif, c'est toi qui décides. Donc psychologiquement, t'as pas le même effet que quand t'es passif. Mais toutes ces histoires de violence, tout se joue à un niveau autre que le jeu vidéo. Et Jérémy veut parler aussi. Oui, Jérémy veut pas le laisser parler. Pardon. Parce que tu es très. Non, mais on est revenu sur une chronique de Ben, apparemment. Non, mais je m'emballe parce que ça m'a vraiment énervé. Par rapport au je me fais un peu l'avocat du diable exprès, sinon c'est pas drôle. Par rapport aux déclarations que t'as citées, je pense qu'en fait, les gens essayent aussi de dire, effectivement, toi, t'es quelqu'un d'équilibré, de normal, tout ça. Mais c'est peut-être que ce type de contenu va exacerber le mauvais côté, on va dire, des personnes qui justement ont peut-être été élevées d'une mauvaise manière ou pas de la bonne manière et tout ça, et que du coup peut-être que les gens qui sont un peu instables ou qui sont en balance entre le bon et le mauvais côté, ça va les faire plonger du mauvais ou avoir moins de remords de la violence GTA, déjà ça, si la violence était un peu GTA, ok, Postal, ok, parce que la violence est glorifiée, il y a aucune explication à cette violence, en plus dans des jeux comme GTA c'est purement j'ai envie de planter quelqu'un dans la rue, je le fais, là ok, là le jeu là a été conçu pour justement, à mon avis, dénoncer la violence, pour te faire intervenir dans une situation comme ça. Donc, je pense qu'au contraire, c'est presque un jeu de prévention contre la violence domestique pour moi. David Cage, le réalisateur, a répondu hier. Un mec un peu instable, il va voir ça, il va pas. Voilà, David Cage a répondu. Il a répondu, il a dit très calme. Il y a pas de limite quand ça sert le propos du jeu. Donc, je me mets pas de limite quand ça sert le propos du jeu. Et en gros, il dit, et pour le coup, on casse pas les couilles au réalisateur, donc pourquoi on vient m'emmerder moi? Ouais, voilà. En fait, il faut juste déterminer si le jeu vidéo c'est censé être. On est au combienième art là, je sais plus. Neuvième, c'est la BD. Ah, BD, oui. Donc, dixième. Est-ce que c'est censé être le dixième art du qui sera du 21e siècle? Bah pour moi, c'est ça depuis toujours quasiment. Et auquel cas, il y a des mecs qui font des peintures avec des brosses à dents. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas qui sont à chier la plupart du temps? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas aussi des trucs qui peuvent porter à polémique dans les jeux vidéo. Enfin, surtout des mecs qui font des films horribles, très très durs, avec des histoires de violence familiale. Enfin, c'est très très répandu. Ah bah là, la violence gratuite, il y a un sacré wagon. La violence gratuite dans les films, ou de la violence, où des enfants sont battus. On voit des trucs, et voilà, des films qui font polémique, mais on finit toujours par dire ça. Ça nous fait réfléchir, quoi. En fait, mais le jeu vidéo, ça peut pas faire réfléchir. Je suis pas d'accord. Et d'autant plus que c'est immersif. On dit ouais, c'est immersif, un jeu, donc c'est dangereux. Ok, je comprends. Tu fais appel à ta propre personnalité, ton moi profond, comme on dit, quand tu joues, et que tu dois faire un choix, justement. Ouais. Ok, ça révèle des trucs. Mais justement, est-ce que c'est pas encore plus intéressant? Est-ce que ça peut pas être un médium encore plus puissant, de te faire vivre en live, éventuellement en VR, une scène comme ça, de violence domestique, où toi, t'as la capacité d'intervenir? Est-ce que, voilà, ça va pas révéler des choses en toi et te rendre quelqu'un de meilleur et te faire prendre conscience que c'est vraiment quelque chose d'horrible et que tu as tendance à le banaliser, et là tu vas le vivre dans un jeu et tu vas te dire, sauf si t'es un gros taré, et dans ces cas-là ce n'est pas les jeux vidéo que t'ont rendu fou. Moi je trouve ça, voilà, et ce qui est grave aussi, c'est que cette demande de censure pour les jeux vidéo, on dit toujours que c'est pas grave. Censurer un film, c'est très grave. Censurer un jeu vidéo, c'est pas grave. Là, on est en train de décourager les développeurs de faire des jeux originaux, de faire des jeux ambitieux, profonds, parce qu'ils se disent, putain, on va se faire interdire, on voudrait pas vendre notre jeu et notre boîte, elle va fermer. Donc, continuons à faire des FIFA 2018, continuons à faire des Call of Duty et des machins, c'est très simple. Voilà. Et donc, le jeu vidéo n'évoluera pas grâce à ces gens. D'ailleurs, moi, je me pose la question. Ces bien pensants qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. À quoi sert le PEGI 18? Enfin, ah oui, j'oubliais. Oui, c'est un jeu pour adultes. Oui, parce que ça sert à rien, puisque j'ai déjà vu, véridique, des gens sur le net se plaindre du fait que le pauvre gamin de 9 ans n'avait pas reçu son Battlefield sous le sapin à cause d'un retard, et du coup, la firme avait, la FNAC, ou je sais plus qui, avait répondu très justement qu'à l'époque que c'était pas plus mal, vu que c'était un moins de 18 qu'à 19, avec un 9 ans. Non, mais c'est vrai, les jeux comme ça. Beaucoup de jeux, c'est moins de 18 aussi. Oui, tout est en ligne. Il y a beaucoup de jeux moins de 18, mais ça, c'est aux parents aussi. Et puis, c'est hyper strict, le sel, non, c'est pas le sel, c'est le pays qui est donc le Pan European Gaming Index, un truc comme ça. Donc l'indicateur vraiment de toute l'Europe qui définit concrètement si tu as une fois un personnage qui est même pas qui boit de l'alcool, qui est bourré dans le truc, ou qui a des états d'ivresse, ou qui a le moindre petite référence sexuelle même de seconde degré, tu as le logo qui va apparaître, plein de jeux qui ont et tu vas le perdre logo, voilà, et tu vas perdre les trucs, tu vas perdre des points et devenir moins de 16, moins de 18, et puis voilà, quoi. Mais après, on en revient toujours au truc, après, c'est même un argument marketing, tu mets un moins 18, les gens vont se dire génial, il y a de la violence, oui, je vais regarder. Mais c'est on en revient toujours au problème que c'est l'éducation qui régit tout de toute façon. Après, forcément, si t'as eu des irresponsables si on à la jouer, maison. Si on te laisse jouer un jeu comme ça, alors que t'es gamin, ça va te faire flipper, tu vas avoir peur. Oui. Si on regarde un film, un thriller, quand t'es gamin, tu vas avoir peur. Et puis, tu vas t'en souvenir, mais parfois quand tu vas être adulte, tu vas peut-être avoir des angoisses. On remarquera que tuer à l'appel des Iraniens ou des Afghans dans Call of, ça passe, mais étrangler une fille, c'est un peu plus chaud. Bah, dès qu'on touche aux enfants, je pense que là, on a touché aux enfants, et dès qu'on touche aux enfants, ça réveille toujours beaucoup de passion. Cage disait qu'il n'avait pas de limite, mais que sa seule limite, c'était, la misogynie ou le racisme un jeu que. Donc lui, il met ça au-dessus de. Mais c'est très bien, parce que lui, au lieu de rentrer dans le débat et de lancer des trucs, il met juste en avant, je suis un créateur. Il se met au-dessus de la mêlée en disant je suis un créateur comme les autres, donc je revendique ma liberté de création. C'est point. Ça. Il cherche pas à dire oui, le jeu vidéo, quand même, vous comprenez, c'est vachement bien et tout. Non, il dit pour lui, le jeu vidéo, c'est un art comme les autres, donc il rentre pas dans la mêlée. Il dit je suis un créateur, laissez-moi ma liberté. Si je suis, si c'est raciste ou misogyne, ok, là on est simplement en train de. Créer un jeu sombre, donc laissez-nous tranquille. Sinon, on n'a qu'à faire des bouquins et des films sur les bisounours et puis voilà. Et pour le coup, moi j'ai posé la question sur Game Trip et Mathias nous a répondu le jeu vidéo étant un art comme les autres, il est tout à fait légitime d'aborder tous les sujets, même les plus graves. Et pour info, le site Hightech a fait un sondage. Est-ce que la suppression de la scène serait-elle justifiée? 13 000 votants hier soir, 90,3% de non. Donc globalement, on peut dire les gens sont tout à fait d'accord. Avec ce point de vue, laissez les créateurs tranquilles, même quand c'est du jeu vidéo. On va repartir sur une note un peu plus légère maintenant. Youpi, tralala. M'en fous, je le mets. On va parler de Bullfrog. Bullfrog qui fête ses 30 ans cette année. Avec une des musiques de Thème Hospital. Thème Hospital, ouais. Évidemment. J'adorais Thème Hospital, quoi. Ouais, on a posé la question sur Game Trip. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Bullfrog? Massimo qui nous dit des heures et des heures sur Power Monger et Theme Park. Emmanuel qui nous dit Thème Hospital était terrible aussi. Raphaël nous dit Theme Park. Jack Prophet qui est notre invité récurrent. Notre Joker. Notre Joker de luxe. Tellement de souvenirs, je pense que j'ai refait Thème Hospital, surtout avec le bug corrigé. Ouais, c'est le bug du niveau 5. Ouais. Tellement de fois que je choisirais celui-ci, mais il y a aussi Dungeon Keeper 2 qui est énorme et Syndicate. C'était... Le premier et Syndicate. Voilà. Et personne n'a voté pour Populous. Ouais, bah il est un peu vieux peut-être. Ouais, voilà. Moi j'étais trop jeune pour Populous, qui est pour le coup, pour moi, hein, c'est inventeur du God Game, hein, Bullfrog. Ouais, bah comme son nom l'indique, puisque t'incarnes Dieu qui doit gérer, qui doit créer une civilisation et des adorateurs et tout. Ouais. Non, mais moi j'étais assez jeune quand même à l'époque. Mmh. Peter Molyneux, c'est le seul, mais quand t'es gamin, tu t'en fous du nom du développeur, tu connais même pas le studio du jeu. Mmh. Mais Peter Molyneux, je connaissais, c'était mon idole quoi. Mmh. Parce que. Déjà, c'était déjà un peu de gestion et tout, j'aimais bien. Mmh. Et t'avais un univers qui était génial, c'était super drôle. Enfin, Syndicate, c'était pas marrant quoi. C'était, non, c'est pas vraiment la même chose. Futuriste où t'as un groupe de mercenaires cyborgs et coup, que tu dois booster et tu te frites dans la rue. Cyberpunk un peu. Ouais, totalement cyberpunk à la merde. La Blade Runner. Son nom m'échappe. Ouais, la Blade Runner et tout. Enfin, tout cet univers-là. William Gibson et tout. 1987-2004, Bullfrog, donc ça va pas durer si longtemps. Peter Molyneux, tu l'as dit, qui a ensuite fondé Lionhead et qui a fait l'excellent The Movies, qui était un jeu de gestion où tu faisais un studio de film. Le cinéma. Ouais. Le cinéma. Donc super jeu. Et puis après, bah, Bullfrog, donc, on a donné quelques noms comme ça. Inventeur du God Game, donc Populous 1989, simulation donc divine. Ouais, ouais, Dungeon Keeper où tu t'es un maître. J'ai réinstallé hier. Tu mettais des tartes à tes gobelins. Ouais, tu peux Dungeon Keeper, il est en abandon noir. Je l'ai installé hier pour y rejouer. C'est ça vieillit. Ouais, ouais, bah c'est, il est pas très beau, mais à l'époque c'était beau. Ouais, c'est censé être beau. Hein. Moi, ce que je me rappelle, c'est aussi Theme Park. Moi, j'avais eu Theme Park World, ouais, qui était le deuxième. Alors, j'ai découvert un petit truc. Le nom de Theme, nous on dit Theme Park parce qu'on est des gros comptes français. Sim Park. Il l'avait nommé. Il a nommé toute sa période Sim pour faire concurrence au Sim City, en fait, ouais. Parce que ça c'est très proche en nom. Ah, le malin. Et donc lui, il a inventé. C'est québécois. Allez. Donc t'as Will Wright qui a fait Maxis et qui a fait tous les Sims. Oui, Maxis. Et donc la concurrence, c'était Peter Molyneux avec tous ses Sim machin. Donc il y a eu Sim Park, c'est malin. Sim Park World, malin. Sim Hospital. C'était assez différent des Sims. Déjà, Sim City c'était très sage, voilà, très policé. Ouais, quand tu t'occupais du c'était vraiment what the fuck quoi. À Thème Hospital, tu pouvais shooter quand t'avais des rats, tes mecs ils gerbaient partout. S'ils commençaient à être malades que tu nettoyais pas, t'avais épidémie de gerbe. C'est dans celui-là où t'avais le diable qui venait te choper. Non, la mort qui venait. Ouais, la mort qui venait, qui faisait un trou dans le sol et qui venait choper le patient. Ouais. Et les maladies, le nom des maladies, les rectoïdes, la maladie rectoïde, c'était si tu t'étais assis trop longtemps sur un jacuzzi et du coup on te faisait boire un truc de verre pilé ou un truc comme ça pour. Voilà. Il y avait lancé Phalanthiasis. Avec les mecs qui arrivaient avec une tête géante. Une tête énorme et il l'a crevé. Il mettait avec une épingle, il crevait ta tête. Après, il l'a gonflé à la bonne taille. Autant Theme Park, il y avait. Ouais, c'était un gros délire, Theme Park. C'est quand même le délire aussi. J'essaie de prononcer maintenant, tu me dis. Theme Park. Tu pouvais mettre à mort de sel dans les frites et comme ça, les mecs, ils achetaient plein de coca. Évidemment. Mais ils pouvaient aussi être malades et vomir partout. Il y a un truc avec le vomi, je pense, chez Bullfrog. Oui, il y avait un certain intérêt pour le vomi. C'est la vie. Le vomi, c'est la vie. C'est la fin du cycle de la vie quasiment. Quand tu avais des rats en ton hôpital, tu pouvais il y avait un truc, c'était tu mettais un pot de fleurs devant le trou et ça enlevait le trou quoi, c'était un petit bug où ton curseur il se transformait en viseur et tu pouvais shooter les rats au fusil. C'est ça. Enfin, c'est formidable cet univers, absolument merveilleux, je le fais imaginatif. Donc ouais, finalement après avoir inventé ce studio, ils ont inventé quand même plein de trucs, le God Game Populous. Et puis après donc 97, pratiquement à la fin de la période faste déjà des jeux vidéo et aussi de Bullfrog. Donc Dungeon Keeper, God Game encore une fois. Très attendu ce jeu qui a mis longtemps je crois à sortir. Où le joueur incarne un gardien de donjon maléfique, c'était un peu l'univers Donjons et Dragons. Et là tu incarnais le gardien à proprement parler, chargé de soumettre des territoires d'un monde fantasy comme ça, où tes gobelins partaient faire les basses besognes pour toi. T'avais une séquence d'intro où une voix caverneuse te disait, te présentait un monde où tout était joli avec des beaux châteaux et tout. Et là, c'est horrible cette joie de vivre et tout. Et donc vous, votre rôle, c'est de pourrir. Tu dois pourrir la map et transformer tout en espèce d'enfer quoi. Et donc t'as construit un donjon, tu t'exploites de l'or et tout, et t'as des aventuriers qui viennent dans ton donjon pour le détruire. Et toi, tu dois rendre ton donjon attractif pour que des démons de plus en plus puissants viennent te rejoindre ton armée. Donc faut construire des salles de torture. Par exemple, et tu fais venir des maîtresses. Tu fais venir des vampires et des trucs comme ça. Tu fais venir des vampires je sais plus quoi. Faut aussi avoir de la thune, c'est ça qui les fait venir en premier. Et tu peux attirer le grand cornu. Alors, ça, c'est quand vraiment t'as un gros donjon et que t'as plein de prisonniers que tu tortures avec ces maîtresses en cuir SM, comme ça, qui fouettent les mecs et tout. Et là, t'avais le grand cornu avec sa faux qui venait. C'était super. Bah, qui était super le icône du jeu, non? Enfin, c'était le. Ouais, c'était celui qu'on voit, le gros rouge qu'on voit. Ouais. Cette tête avec des cornes, là. Ouais, ouais. Ouais, Dungeon Keeper, ouais, des meilleurs jeux des années 90. T'avais la gestion, mais c'était pas chiant, c'était pas non plus poussé. C'était pas et en même temps, quoi. C'était plutôt les débuts aussi de la gestion. Il n'y a pas eu énormément. Moi, j'ai pas souvenir. Bah, Populous, c'est même. On peut dire que Populous, c'est le début des jeux de. En tout cas, c'est la Civilisation, c'était quoi Civilisation c'est ouais, plus tard, c'était. Ça. Je me souviens plus maintenant. Non et pour le coup, Civilisation, après, a été repris par Maxis, donc les Civilisations. C'est fin des années 90, non Civilisation, tout ça, non le premier, oui. Ouais, à peu près à la même époque. Ils vont en sortir un des Civilisations dans l'espace. Mais il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti, ouais, c'est sûr. Ah, bah voilà, c'est ça, Civilization 6. Qui était créé quand ça m'arrive, c'est pas le premier Civilization ouais. Le premier Civilization, c'est aussi Sid Meier. 91. 91, ouais, donc ouais, beaucoup plus tard quand même. Hein. Par rapport à Populous. 86, Populous. 89. Ouais, c'est la période, bon. Ouais, mais c'est très différent. Enfin, Age of Empires, c'est plus. Ouais, Civilization c'est et tout, c'est très différent. C'est très compliqué, hein, ça, par rapport à Bullfrog. Bullfrog, c'était quand même du casual. Oui, c'est hyper simple, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais après, tout un emblème c'est l'humour, quoi. C'est l'humour principalement qui fait qu'on kiffait ces jeux-là, quoi. Ouais, ouais. Et puis, du coup, bah, là, ouais, y a le petit sondage qu'on a fait sur Game Trip, on peut voir que bah, les gens connaissent. Ouais, connaissent bien et ils aiment bien et ils apprécient ce genre de jeu. Voilà, on a fait un petit hommage donc, pour les 30 ans de Bullfrog. Et il est midi. On va revenir tout de suite après pour parler de la chronique musicale. Et puis dans la dernière partie, de quoi on parlera des awards qui ont été décernés là ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. En attendant, BLE Radio, BLE. Il est midi, on va écouter Portugal de Maine et on revient tout de suite après. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. Et n'oubliez pas d'intervenir sur Twitter avec le hashtag GTFM. On myself, can't go dust them all, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Now. Toujours sur Game Trip FM, on va parler musique dans quelques instants, ce sera avec Jérém. La chronique musique, la chronique musique avec Jack. À Jérém. Bah oui, désolé, je me suis pas amusé à refaire un jingle parce que ça change toutes les semaines, hein, donc bon. Oh pardon. Je vois bien que je suis inutile, non, mais c'est pas grave. On va écouter avec ça. Cette petite musique derrière que tu dis, je vois bien que je suis inutile. Il va pleurer avec le violon. Mais tu vois, oui, ça fait mélodrame et tout. C'est... Donc cette musique, très invincible. Invincible. Voilà. Donc ça fait partie de l'OST de l'extension de World of Warcraft qui m'est très cher forcément. Donc c'était la troisième extension, donc la colère du roi Lich, que vous avez pu voir dans Warcraft 3 si vous avez joué. On n'a rien dit. Hein. Ah non, on oui, rien mais dit. Non, mais pour l'instant. On regarde. Mais je vous... Non, après c'est vrai que toutes les OST. Alors si vous êtes curieux et que vous aimez ce style de musique. Toutes les OST sont vraiment des beaux morceaux avec des vrais compositeurs. C'est pas du parce que c'est du jeu vidéo justement, ça reste aussi de l'art potentiellement. Et donc il y a une vraie équipe de musicos derrière, de vrais compositeurs, de vrais arrangeurs et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose à écouter si vous aimez ce style. Donc là en l'occurrence, donc c'était pour la troisième extension et donc l'avènement d'Arthas en tant que roi Lich. Donc on va revenir un peu sur l'historique. Donc avec une musique voilà très majestueuse, limite presque un peu des fois avec des chœurs qu'on pourrait entendre dans des églises ou des choses comme ça. Et donc Invincible vient du nom du cheval d'Arthas, donc Arthas qui est un jeune prince, le jeune prince de Lordaeron, donc qui est la capitale humaine du monde de Warcraft. Et donc Invincible, c'est son destrier dont il est. Il assiste à la naissance de son destrier, excusez-moi. Et vu sa couleur, en fait, il manque de l'appeler Blizzard, donc ce qui aurait été un joli clin d'œil à la boîte. Mais il cède à la tradition qui voulait qu'on donne à son destrier un nom de qualité. Donc comme les bateaux se sont nommés l'Intrépide, le Véloce, le Féroce et tout ce genre de noms. Donc il l'appelle Invincible. Et donc, bien sûr, tout cela, ça appartient au lore très lointain, donc qu'on retrouve dans Warcraft 3, voire même avant, dans tout ce qui se passe quelques années avant. Et donc, l'histoire de Warcraft 3, ça va nous montrer toute la déchéance. C'est un petit peu un Requiem for a Dream d'Arthas, qui est à la base un paladin, donc un serviteur de la lumière. Et il va céder à la manière de... C'est Luke, on est d'accord. De quoi, Luke Skywalker? Oui. Ouais. Qui va passer du côté... Enfin non, il passe pas du côté obscur. Ah non, mais attends, mais tu... Ne spoil pas. Ah, mais pas non, sorti. Ah, je suis désolé. Bon, sans doute un peu... Non, ouais, et voilà. Et Arthas va passer du côté obscur. Il va tout simplement devenir fou, en fait, en voyant son peuple mourir de la grande peste. Qu'est-ce qu'il y a? Je tousse. Ah, tu tousses, d'accord, c'est pas grave. Et donc, à la place de Dark Vador, Dark Vador va être personnifié par... oui, je fais le parallèle entre les deux, parce que c'est important. Elle va être personnifiée par le roi Lich, qui est un ancien nécromancien qui s'appelle Kel'Thuzad. Et donc, le roi Lich va donner ses pouvoirs de nécromancie à Arthas pour être réincarné, en fait, dans un corps vivant, tout simplement. Et donc, Arthas va penser, justement, être utile à son peuple en étant capable de les ressusciter, et il va accepter ses pouvoirs. Et à cause ou grâce à ça, il va justement sombrer encore plus dans la folie. Et cette musique est magnifique. Et ça, cette musique, ça accompagne une cinématique du jeu, c'est ça? C'est une cinématique du jeu, ouais. Qui t'explique toute cette histoire-là que tu nous contes. Non, c'est des cinématiques du jeu. C'est justement quand tu viens à bout d'Arthas, en fait, qui était donc le dernier gros boss de l'extension Colère du Roi Lich. D'accord. Et donc le Roi Lich, Arthas devient le Roi Lich par extension. Donc la main armée du Roi Lich. Et à peine ses pouvoirs acquis, il s'empresse en fait d'aller ressusciter son cheval, donc qu'il avait dû achever quelques années avant. Comme tous les chevaux, on finit bien par les achever. Ouais, mais c'est con quand il s'appelle Invincible. Écoute, il avait qu'à jouer à Skyrim, son cheval ne peut pas mourir, il tombe des falaises, mais il meurt pas. Un cheval en titane. Ouais. Non, là, en l'occurrence, donc Invincible est décédé donc dans sa vie précédente, et Arthas s'empresse d'aller sur sa tombe et de le ressusciter, et il va devenir en fait son destrier dans la mort comme dans la vie. Oh, c'est magnifique. Et c'est horrible, c'est un cheval zombie qui va être capable justement de se dématérialiser et de voler aussi accessoirement. Donc c'est un Pégase décédé en fait. Mais c'est marrant, ça me fait penser parce que la musique et l'histoire comme ça, surtout la tonalité un peu de la musique, ça fait penser à un espèce de livret d'opéra, tu sais. Ouais, c'est l'idée, ouais. Je pense que c'est pas mal inspiré de ces univers-là, quoi. C'est ça. Mais justement, d'ailleurs, puisque... Oh, c'est magnifique. Quelle belle transition. Non, c'est... Justement, en fait, ces musiques-là ont été tellement rendues populaires qu'elles ont été jouées, elles sont régulièrement jouées à des concerts, en fait. Alors, régulièrement. Il y a des concerts de musique, de jeux vidéo, ça existe partout. Mmh. Je sais que dernièrement, je crois que c'était à la Paris Games Week, il y a eu un concert avec The Witcher. Ils ont joué The Witcher. Et là, en l'occurrence, Invincible a été joué en 2013 à Pékin, lors du Video Games Live. Et c'est la chanteuse Gillian Aversa qui a justement interprété ce titre. Mmh. Donc avec une voix dessus, c'est encore vraiment plus beau. Et sachant que Gillian Aversa a chanté aussi pour des OST, donc de, comme je disais tout à l'heure, de God of War, de Civilization, de Soul Calibur, d'ailleurs le 6 va bientôt sortir, et de Killer Instinct. Donc c'est pas une nana qui est là pour rigoler, quoi. Ouais, c'est pas la moitié d'un trou de balle, comme dirait. Collaborer pour les jeux vidéo, quoi. Mais c'est aussi une chanteuse C'est une chanteuse lyrique, d'autres choses par ailleurs. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc c'était juste pour partager ces jolies musiques avec vous. Et cette deuxième musique qu'on entend, c'est bien joli. C'est une deuxième musique, d'accord. Oui, c'est une deuxième. Ça, c'est donc la musique de Jaina Port-Vaillant. Et puis, c'est magnifique en plus. Écoutons un peu. Écoutons. En musique de Noël, ça rendrait bien en plus, hein, presque. Ça me fait penser à Zelda, moi. Ah non. Si, il y a de la flûte. Ah oui, il y a effectivement de la flûte traversière. Et donc Jaina Port-Vaillant, donc c'est son OST, son thème principal, on va dire, quand elle apparaît dans la Warcraft 3. Et donc Jaina, c'est une amie d'Arthas aussi, qui est la fille de l'amiral Port-Vaillant. Et c'est une mage, c'est une archimage même. Et elle était très amie avec Arthas quand les deux étaient vivants, on va dire. Et quand Arthas passe du côté obscur de la force, Jaina devient son plus grand cauchemar, on va dire, pour essayer justement de le ramener à la raison. Mm-hmm. Et elle a inspiré effectivement ce thème fort joli. Fort sympathique. Merci pour cette découverte auditive. Et je réponds rapidement à un auditeur qui nous demande qui est le compositeur de la musique de Dungeon Keeper. C'est Russell Shaw. Je ne sais pas si c'est le même qui a composé aussi les musiques de Theme Hospital, mais en tout cas, ça y ressemble assez. Pourquoi Daniel Elfman en recherche associée? Je crois qu'il a bossé pour Bullfrog ou quoi. Mais il y a aussi Jean-Sébastien Bach, donc tu vois comme quoi. qui a bossé pour Bullfrog, je crois. Bullfrog, voilà. Oui. Donc Russell Shaw et je suis fan de votre émission. Voilà. Merci. Oh, génial. Au passage, voilà. Et surtout de Jérémy, a priori. Et surtout de Jack, il nous dit. Malheureusement pour vous, il n'est pas là aujourd'hui. C'est lui, en fait. Tout de suite parler de des Ping Awards après cette magnifique chronique de Jérémy. Virgule. Non, pas virgule. BLE Radio. Plus proche des Lorrains. Allez, virgule quand même, merci. Faut pas déconner. On va parler des Ping Awards qui se sont déroulés il y a quelques jours. Le grand prix est attribué à Mario, les lapins crétins, Kingdom Battle, d'Ubisoft France. Bravo. Doublement récompensé. C'est Bertrand Amart. La princesse Peach, Luigi, Mario et les lapins dans cette incroyable aventure. Ping Awards, le petit truc à la française. Il disait plus de 380 personnes dans l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, plein à craquer, présidé par Bertrand Amar, qui d'ailleurs est du coup le nouveau président de la chaîne ES1. Tout à fait. Retransmis par Game One. Ça pue quand même aussi vachement le machin sponsor par Webedia et compagnie. Je dis ça comme ça parce que bon, voilà. Je suis pas sûr, mais. Je sais pas, mais possible. Ça a l'air un peu, voilà. Ouais, les prix, c'est comme. Justement, c'est ça que je voulais dire, c'est l'analogie. Vas-y, pardon. Non, parce qu'on se faisait la réflexion justement avec Ben l'autre fois. On était dans une marque de fast-food qui fait beaucoup de poulet. Ah non. Non, mais pour moi en fait c'est pareil. En fait, c'est les mecs se donnent en fait des prix. Ils créent des prix voilà. On les crée des prix entre eux et forcément, c'est Ubisoft. En plus c'est FR, donc fatalement. Il y a de 99% de chance que ce soit Ubisoft qui récupère. Exactement. Ça, le ping du meilleur jeu plateforme mobile a été remis à un jeu de Ubisoft. On s'en fout parce que c'est mobile. Le ping du meilleur scénario a été remis à Anna the Game de Almost Game Studio. Pour le coup, c'est un indé, je pense. Meilleur jeu de sport VRC7 à Kiloton, qui l'a eu à peu près pour VRC5, 6, vu que j'ai eu à chaque fois. Meilleur jeu sur ordinateur à Dishonored, la mort de l'Outsider de Bethesda, qui est donc fait par Kane Studio, qui est un studio français. Le ping du meilleur jeu international à Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est des jeux dans lesquels les Français ont œuvré. C'est jeux français, développés par des Français. Okay, parce que je me disais, vu le palmarès. Ah oui, mais c'est pour ça. Au début aussi, je me suis dit, Les meilleurs graphismes pour Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands d'Ubisoft. Le meilleur jeu sur console de salon de Mario et Lapin Crétin. Le ping de la meilleure bande-son à Styx, Shards of Darkness de Cyanide. Meilleur jeu indépendant à Splasher de Splash Team. Le grand prix, donc vous l'avez entendu, à Mario Lapin Crétin Kingdom Battle. Et voilà, moi ce que je vois, c'est que c'est toujours les mêmes. Donc Kiloton qui l'a depuis 3 ans, Styx qui était déjà là en 2014, que des Français forcément. Voilà, donc, et comme vous le disiez, nous on avait déjà eu ce débat sur Computer Games France, notre autre site à l'époque. Finalement, on se disait que c'était un peu de la pignole entre journalistes et éditeurs, on a l'impression. Ben, c'est ça, c'est comme. Deuxième analogie, c'est comme Lidl où c'est marqué la chaîne préférée des Français et tout, mais c'est une vaste blague. Entre eux, ils ont fait ça. Ben oui, voilà, c'est entre eux. Les bouteilles de vin, où tu prends n'importe quelle bouteille. T'as 500 bouteilles de vin au supermarché, il y en a. Toutes elles auront une médaille d'or. Elles ont toutes médaille d'or, couronne d'or au truc de. D'Agen 2007, c'est des mecs qui se mettent ensemble pour monter. C'est comme nous si on dit des fondations, qui donnent des prix. On a tous une médaille d'or entre nous trois, quoi. Ouais, c'est moi. La vraie, mais. Après, quand tu vois les Game Awards, justement. Là, t'as que du gros. C'est pareil parce que t'as. C'était il y a deux jours, ça. Voilà, t'as Zelda, Forza, Overwatch, Nintendo meilleur studio, Super Mario Odyssey, Resident Evil. Si, il y a Cuphead qui est meilleure direction artistique. Ouais, en même temps, s'ils le donnaient pas, Best Indie aussi. Puis en plus, il a bien marché, c'était aussi un succès, donc ils l'ont donné. Wolf 3 qui est le meilleur jeu d'action. Monument Valley 2 qui est cool, Monument Valley, petit jeu de... Alors non, il y en a un, Mario et Lapin Crétin Mon Cœur. Oui, ils l'ont eu quand même. Meilleure stratégie. Meilleur jeu de stratégie. Meilleur jeu de stratégie. Ouais, d'accord. C'est une blague. Ouais, bah ça aussi c'est une blague. Alors, juste comme ça pour rigoler, donc les Game Awards. On va dire c'est subjectif et tout, ok, mais bon. C'est Geoff Knightley qui préside et qui a fondé les Game Awards parce qu'il avait arrêté les Spike VGA. Geoff Knightley, pour les connaisseurs, c'est le monsieur du Doritos Gate. Donc c'était quand même le mec qui était payé par des éditeurs pour faire de la pub pour des jeux, qui avait les Spike Video Game Awards, qui les a arrêtés suite à cette polémique à l'époque. Et derrière, il s'est dit, moi, du coup, puisque c'est comme ça, je vais faire mon propre. J'ai changé de nom et je vais faire mon propre salon, et c'est devenu les Games Awards. Et du coup, voilà, encore une fois, je pense que. Mais moi, du coup, je me pose une question un peu différente. Voilà. C'est est-ce que justement, si Mario versus les lapins crétins, blablabla, c'est considéré comme le meilleur jeu fait par du FR, on va dire, est-ce que c'est juste pas super moche pour la scène FR à ce niveau-là, en fait? Non, parce que ça. Carrément cartonné quand même ce jeu. Oui, non mais ça cartonne. Alors on peut pas aimer les jeux moyens, mais va aimer parce que c'est du lapin crétin, mais enfin c'est Mario et lapin crétin, ouais. Quoi. Allô. Ah ouais, mais après ça c'est le prix remis par des Français aux Français, le Ping Award. Donc forcément le choix est restreint. Quoi. Non, ouais, le choix est restreint et puis il y a pas de volonté de dire à l'étranger voilà, c'est notre meilleur jeu, puisque au final le meilleur jeu français ce sera celui qui sera élu meilleur jeu international dans la scène internationale. Donc les Games Awards qui attribuent un prix au lapin crétin ont plus de valeur que le Ping Award s'auto-attribue. Bah oui, non, mais c'est ça en fait. Oui, mais le truc, c'est non. Les mecs sur leur jeu. Ouais. Mais c'est après, surtout le lapin genre, crétin. Moi, j'y ai pas joué, mais ouais, stratégie, mais. C'est parce que c'est une catégorie de jeu bien précise et objectivement, il était excellent. Enfin, je veux dire, niveau game design, niveau machin, je sais pas, tu vois. C'est peut-être ces critères-là aussi qui sont pris en compte. Chaque année, on se rend compte que l'indé n'est pas présent, que c'est que du triple A. Ils ont une catégorie à part. Ouais, quoi, ils ont une catégorie. Des notes déjà, voilà. Bah, c'est comme à Hollywood, t'as Sundance qui est pour les films indépendants et t'as les Oscars pour les vrais films avec du blé, quoi. Ouais. Mais la plupart du temps, le jeu de l'année, c'est quand même une hype qui reflète pas les notes du public, mais qui reflète la hype des journalistes entre eux. Ouais, c'est pour remettre un petit coup de boost au... Quoique, ils sont bien gentils, mais les joueurs, c'est pas ça qui va faire plus acheter le jeu. Enfin, les awards, ils ont pas une notoriété suffisante pour booster les ventes d'un jeu ou... Ouais, mais quand tu vas sur Steam et que tu vois à chaque fois qu'ils mettent le petit logo, tu sais, avec les palmes, genre les palmes d'or, ça marche jeu de l'année, même. Machin et tout, ça c'est après, ça gagne du... Sur Steam, ça gagne du point, et puis ça monte un peu plus dans les classements, d'accord, et puis d'accord. Les gens... Ouais, sinon ils le feraient pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, curiosité, t'as le palmarès genre de l'année dernière, par exemple? Duquel? Des Français. Des Français, du Ping Award. Ouais. Bah, c'est facile, il y avait déjà Kiloton et VRC 6 à la place de Kiloton et VRC 7. Ouais. Il y avait de l'Ubisoft un peu partout. Bah, en même temps, Ubisoft, ils en sortent tellement aussi. Dishonored 2. Il y avait un d'avoir. Bah oui, Dishonored 2. Meilleur jeu console. Il était déjà récompensé. Il était déjà, oui. La mort de l'Outsider cette année, et là, Dishonored 2. Non, parce que là, c'était Dishonored 2. Cette année, c'était Dishonored, la mort de l'Outsider. C'est un DLC. Il récompense un DLC comme meilleur. Pour le coup, Dishonored 2 avait raflé un sacré wagon de. Ouais, Uncharted. Uncharted, c'est le meilleur jeu international. Donc cette année, c'est Legend of Zelda. Ouais. Naughty Dog, c'est les mecs de Crash Bandicoot qui font. Qui font quoi Oui, Uncharted. Et voilà, Pink Donner, Paul Cuissé. Oui, donc en gros, c'est de toute façon, c'est ou Bethesda ou Ubi, quoi, dans l'idée. Bah là, c'est Bethesda Ubi parce que c'est ceux qui, les Français qui sortent le plus à l'international et le plus connu. Ouais. Après, tu vois, cette année, je trouve. Bah, cette année, il y avait 80% d'Ubi. Il y a Cyanide qui a fait Styx. Styx l'avait déjà eu en 2014. Après... Et il n'y a pas eu le bâton de South Park, là, le bâton de l'anal, je sais plus quoi. L'anal du destin. L'anal du destin, voilà. Bâton de la vérité, c'était le dernier. Ça, c'est ah oui, voilà. Ça fait un bon mix des deux. Le bâton de l'anal du destin. Le bâton de l'anal. Ouais, bah donc voilà. Sur donc, ces bonnes paroles. On a un peu l'impression que, quand même, chaque année. Ouais, ce résultat des Ping Awards, bof bof, quoi. Ouais, bah le principe. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à foutre de ces awards en même temps? Non, c'est bah, ça. C'est la partie Balek, ouais, c'est ça. Ouais, on aurait dû être plus avec Balek. Ok, il nous reste une minute juste pour parler de l'anniversaire de Pong, 45 ans le 30 novembre dernier. C'était en 1972, Pong, qui fut la première borne d'arcade au succès international. Il y a eu d'autres titres intéressants avant, mais rien n'arrive à la cheville en termes de popularité. Hein. En 73, Atari avait livré 2500 machines Pong contre 8000 l'année d'après, malgré un prix de vente qui était trois fois supérieur au coût de fabrication. Et c'est pour cette raison que Pong est souvent perçu comme le premier grand succès commercial du monde des jeux vidéo. Est-ce que, comme beaucoup d'imbéciles, vous considérez que Pong est le premier jeu vidéo de l'histoire? Bah non. Rapidement. Vu ta question, faut qu'on réponde. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être totalement. Que vous êtes, je veux dire non. Peut-être que vous êtes assez inculte pour le premier jeu d'arcade, le premier jeu en borne qui a été placé dans les cafés où les petits Américains allaient acheter leur limonade et tout ça. Alors quoi. Petite anecdote, la Maniavox Odyssey 2. Première borne d'arcade. Non, c'est pas la première borne d'arcade alors. Première borne d'arcade. Non, après il y a eu des autres bornes d'arcade, mais Pong était une borne d'arcade en effet. La vraie première console, c'était la Maniavox Odyssey 2, ah, c'est pas pareil, ouais. Qui est sorti en septembre 72 aux USA. Et la polémique, en fait, elle est venue très rapidement parce que lors d'un salon du jeu vidéo en 72, l'Odyssée donc était présentée par Ralph Baer de Maniavox, qui était donc le concepteur de la première vraie console. Et dans c'était des jeux, c'était juste une disquette avec un jeu à la con dedans. Et il y avait un jeu qui s'appelait Ping Pong. Et Nolan Bushnell, qui était un petit développeur à l'époque qui allait fonder Atari, a signé le livre d'or du salon, a dit « Ouais, c'est vachement cool votre jeu Ping Pong ». Il est retourné dans sa cave vite, et rentré chez lui. Il a fondé Atari, et le premier truc qu'il a lancé, ça s'appelle Pong. Et forcément, il y a eu une plainte qui a été déposée à l'époque. Il y a eu un arrangement à l'amiable qui a été fait. Vous allez voir le cocu de l'histoire. L'arrangement à l'amiable, notamment, portait sur le fait que Atari avait une licence d'exploitation qui avait été cédée. Donc, ils avaient le droit d'exploiter le jeu Pong. Voilà, en échange de quelques accords commerciaux pas très chers. Et donc, Atari a lancé Home Pong, la première console de salon où on jouait à Pong. C'était en 76. Tout petit joystick voilà. Comme ça, ouais. Et ça en a fait un bise complètement juteux sur toute l'histoire. Et ça en a fait une des consoles, consoles, entre guillemets, hein, parce que voilà, les plus vendues de l'histoire à cette époque, en tout cas. Donc, comme quoi, des fois, si vous avez une bonne idée, si vous arrangez l'occasion de niquer la gueule à quelqu'un. Arrangez-vous à l'amiable, il n'y aura aucun problème là-dessus. Tu vois idée. Comment les jeux vidéo t'ont rendu, Ben? Voilà, c'est ça. On le savait, on l'avait dit. Il y a un épisode de The 70s Show qui est consacré à Pong. Qui est mort. Ouais, et ben voilà, on vous invitera à le découvrir sur YouTube ou alors sur son YouTube de l'époque de 72, c'est-à-dire Dailymotion. Sartek, ou Balek. Allez, notre dernière chronique, Sartek ou Balek, on va vite fait faire le tout venant. Des jeux vidéo et on va voir si ça nous intéresse Psartek ou si on s'en balèque. Microtransactions, on en parle encore, on en a parlé la dernière émission avec les revers de Battlefront, ces lootbox, tout ça qui était remonté jusqu'aux oreilles des députés qui veulent interdire le machin sous prétexte que c'est un jeu d'argent déguisé. Un rapport de Superdata annonce que le chiffre d'affaires des free-to-play PC a doublé entre 2012 et 2017. En 5 ans, c'est passé de 11 à 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les grands gagnants, c'est le FUT de FIFA et Battlefront 2, évidemment. Avant le FUT de FIFA, mais je croyais que les footballeurs jouent en short. Oh là là. On n'a pas le temps pour ces conneries. En 2017, plus de 90% des revenus de FIFA, c'était du FUT. C'est moche quand même, hein. C'est-à-dire que les gens ne jouent plus en jeu normal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tout ça, ça vient des DLC, des packs, ça a 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est deux fois plus que le chiffre d'affaires des jeux en fait de base. Et donc aujourd'hui, le biz de nos jours, c'est deux tiers de DLC. Voilà. Ouais, DLC, c'était le début, faudrait, parce que maintenant, c'est vrai, c'est oui, tout ce que DLC, tu achètes en ligne. Et, voilà, et en plus, la justice a fini par trancher, je crois, c'est en Belgique. Pour dire que les lootbox n'étaient pas similaires à des jeux de hasard, donc allez-y les amis, vous pouvez... vendre des contenus des trucs au contenu complètement hasardeux contre alors des sous. Du coup le fait que les jeux vidéo aujourd'hui ça devient à 75% du DLC et du loot box, Sartek ou Balek? même Psartek. Bah Psartek parce que ouais, c'est inquiétant, faut se... c'est intéressant de ça voir ça. Ça nous... c'est the tendance, enfin si ça fait du blé, si à 100% d'augmentation de chiffre d'affaires en 5 ans, les développeurs ils vont tous faire ça quoi. Oui. Donc on va avoir que ça. Et ça fait chier, mais c'est pas balèque. Voilà, ça fait chier, mais on s'en intéresse, mais ça fait après, chier. Après, on peut un petit peu, c'est très bien aussi, je veux dire. Puis si les gens mettent des sous, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. C'est si que les y a, gens, y a, si y le fond, c'est que les gens mettent des sous. Voilà. Donc si les gens sont pas contents, ils achèteraient pas. C'est de la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Deuxième news qu'on a sorti, ES1 qui est lancé. On en a parlé aussi il y a 2-3 semaines. ES1, la chaîne 100% e-sport devrait être lancée comme prévu le... non, elle n'est pas sortie justement. Elle devait être lancée comme prévu le 1er décembre par Webedia, le groupe de jeuxvideo.com, Squeezie, Norman, Cyprien, Allociné, Millennium, tout ça. Bertrand Amar, le créateur et directeur de la chaîne, a annoncé que c'était repoussé car le CSA n'a pas encore donné l'autorisation, notamment en termes de protection du jeune public. Sartek ou Balek? Ce sera sur des bouquets satellites tout ça. Oui. Bah moi ça m'intéresserait de regarder. Ouais. Bah moi forcément Psartek. Et ben moi Balek. Divinity Original Sin 2 qui dépasse le million de ventes. D'ailleurs qui aurait pu avoir un prix, personne n'a donné de prix à ce jeu. Ça a été lancé le 14 septembre. C'est un RPG de Larian Studio sur PC qui a eu des tas de bonnes notes. Et là il est toujours en early access, mais il a mis 2 mois pour conquérir le monde carrément. Succès qui était prévisible car la campagne Kickstarter voulait 500 000 $, ils ont eu 2 millions de $. Je sais pas si vous y avez joué ou si vous avez vu des images. Je ne connais pas du tout. Donc, Balek. Ok, très bien. Yooka-Laylee. Comment t'as cassé dans ton élan. Yooka-Laylee, on en a parlé tout à l'heure, c'est la suite spirituelle de Banjo-Kazooie qui va donc sortir maintenant sur Switch le 14 décembre. Vous pouvez aller voir le test sur GameTrip.net en vente dans toutes les bonnes librairies ou juste sur Internet. Voilà, on en avait dit le plus grand bien. Désormais sur Switch, typiquement un truc de la console. C'est bon. Si vous vous rappelez de Banjo-Kazooie, c'est exactement la même chose. C'est typiquement un truc de console Nintendo, genre Switch. Donc, ouais. Voilà, ça va sortir là. Collaboratif, tout ça. Enfin, c'est le truc où t'as un petit personnage sur les épaules et ouais, en gros, ouais. Un gros personnage, j'ai un petit personnage. J'ai jamais joué. Ouais. Donc, ok, ça fait 2 balles. Bah, Psartek, parce que moi, j'ai pas joué. On avait mis une bonne note sur Game Trip. 4X Warhammer 40 000, Gladius Relics of War, qui a été annoncé, Slytherin, qui le dit. Un Warhammer 40 000, donc un stratégie tour par tour en 4X, dans un monde très bien connu. Encore un. En 4K? En 4X? Non, en 4X. Le genre 4X. Ah pardon. Exploration, expansion, exploration. Ça se passe avec 4X. Enfin, des autres X derrière. Un typique, dire des stratégie. Trucs aussi, ça sortira courant 2018 sur PC. Encore un Warhammer 40 000. Bah ouais. Moi Balek. Balek. Ça aurait été du Warhammer Battle. 25 000 encore, ok. Mais 40 000, c'est beaucoup trop. Non, 40 000, j'aime pas. Ça fait 4K, 40 000. Balek, ouais. C'est que pour les. Faut jouer à Warhammer pour acheter ces jeux. Ah bah ça, quoi. Oui. Ouais. Faut avoir les figurines aussi. Hein. Le Kickstarter de Super Mighty Power Man s'est arrêté, j'en parlais il y a 2-3 semaines en coup de cœur, il me semble. C'est le Megaman qui a été créé par deux Strasbourgeois, par un studio alsacien qui s'appelle Box Edge Games. La campagne de financement sur Kickstarter n'a pas marché, pas du tout. C'était un platformer 2D donc qui rendait hommage aux 80s et aux 90s. Ils ont eu 13 755 € sur 50 000 demandés, c'est vraiment une claque. Mais l'éditeur avait tenté de ramener du monde après en élargissant sur PS4 et Xbox One. Ils n'ont pas réussi, mais en contrepartie, les développeurs nous ont dit qu'ils étaient intéressés par que des éditeurs étaient intéressés, qui ont eu des contacts, et du coup, ils vont sans doute passer par la voie normale éventuellement pour éditer ce jeu. C'était peut-être un peu l'objectif aussi, quoi. Ouais, après se faire se connaître, ça peut être bien aussi avec ce genre de truc. Parce que 50 000 $, personnellement, c'est un gros Kickstarter. Hein. Ouais, Balek. Bon après, je me réjouis pas que les mecs aient pas pu faire leur jeu, mais on peut pas. Oui, non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au jeu. Oui, le jeu m'intéresse pas non plus. En fait, ce jeu-là ne vous intéresse pas visiblement. Non, c'est ça. Il y a des choses qui vous intéressent dans la vie, globalement ou. Oui, Detroit Become Human. Ok, ça va. On avait bien compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 jeux gratuits chez Ubisoft jusqu'à ce week-end. Il y a Les jeux gratuits, ça on s'en fout. Non, mais attends, il y a World in Conflict en download gratuit sur Uplay. Bon, ça c'est un RTS dans la guerre froide qui est sorti en 2007, voilà. Mais surtout, à partir de lundi, Assassin's Creed 4 Black Flag du 11 au 18 sera ah, celui avec les pirates, c'est ça? Ouais, ouais, c'est une tuerie. Il sera gratuit pendant une semaine à l'occasion des Black Friday. sur Uplay donc. Black Friday, sur Uplay, t'es obligé de télécharger sur Uplay. Non, mais ouais. Bah, ce sera tous les vendredis. Absartec. Ouais, Absartec. Bah, non, c'est gratuit. Ils font ça pendant 2 semaines. J'ai du mal avec Assassin's Creed, mais. J'ai téléchargé le World in Conflict, j'y ai pas encore joué. Est-ce que tu tombes beaucoup dans le vide encore? Tu tombes beaucoup dans... J'aime pas les jeux où tu tombes. Bah, t'es obligé de tomber puisque c'est le saut de l'aigle. Eh bah, ça, Balek. Balek, je n'aime pas les jeux où tu tombes. Ah non, mais. Megaman Attention. 11. Il y aura bien un nouveau Megaman à l'occasion des 30 ans du jeu. Ils ont annoncé un Megaman 11 pour 2018 sur PS4, One, Switch et PC. Et surtout, c'est un vétéran de Capcom depuis le début, dans les années 90, Yuji Oda, qui est le réalisateur du jeu. Et par ailleurs, il y a aussi Yuji Ishihara de Megaman Legends qui s'occupera de la direction artistique. Voilà, contrairement au bon Megaman 10 qui était sorti il y a 7 ans déjà, c'est fini les gros pixels en 2D 8 bits, maintenant on passe de là en 2,5D en cel shading. Le cel shading, c'est une espèce de celluloïde avec des gros traits noirs, les contours c'est des gros traits noirs, un peu comme Cuphead. Voilà, donc nouveau Megaman 11 qui va sortir l'année comme prochaine. Street Fighter 4. Ah bah oui, bah là on aime bien faire des... Moitié-moitié, ouais, je m'en fous pas totalement. Moi j'ai envie de voir quand même. Ah, Sartek. Ouais, Megaman, j'ai jamais trop accroché. Enfin, j'aime bien. Il faut aimer, en effet. L'univers, mais. D'ailleurs, sur les mêmes consoles précédemment citées, et PC également, sorti également d'un pack Megaman avec Megaman X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es fan 8. De Megaman, ça fait plusieurs fois que. Non, on en plus, parle. Je n'aime pas Megaman. Le film et tout, si. Non, j'aime pas. D'accord, j'aime pas Megaman. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas les Castlevania. Non, mais tu sais, c'est machin, pas une honte d'aimer Megaman. Je n'aime pas Megaman. On va terminer avec Soul Calibur 4 en vidéo il y a deux jours après 5 ans d'absence. 6. Après 5 ans d'absence, Namco a dévoilé une vidéo du nouveau Soul Calibur au Game Awards 2017 avec le retour d'à peu près tout ce qui compose un Soul Cal. Ça sortira en 2018 sur PC, Xbox One et PS4. Oh la vache, l'enthousiasme est... Oh, bah, moi j'aime pas non plus Soul Calibur. Bah, moi j'adore juste Cervantes en fait, mais je sais pas s'il est dedans, ouais, why not, mais... Ah, why not. C'est un beat'em up, comme on disait dans le temps. Exactement, comme on disait dans Pourquoi les années... on dit plus beat'em up, beat'em all, shoot them up. C'est toi qui le dis pas. Fucking que... light et tout ça. Et si je peux rajouter vite fait un truc que je t'ai linké tout à l'heure. Oui, et Tomb Raider. Tomb Raider en 2018. Le reboot, après un reboot réussi, donc Square a confirmé hier que le troisième Tomb Raider sera en préparation, sans doute dévoilé à l'E3 2018. Comment ça, un reboot? Bah, c'était un reboot, le Tomb Raider 1 qui était sorti il y a 4-5 ans. Là. Ouais, il a rien à voir, il est hyper différent. Non, c'était la jeunesse de Lara Croft. Ah ouais, mais c'était donc un reboot. C'était pas du tout le premier Tomb Raider. Elle a rebooté IRL, du coup, c'est pas dire un remake, un reboot. C'est-à-dire, on reboot la licence, on relance la franchise. Ok, pardon. D'ailleurs, les films qui vont sortir seront adaptés de cette nouvelle licence. Ah oui. Le film avec Alexandra Vikander. Ouais. Ça va être mieux que celui avec Angelina Jolie, ce qui est pas très difficile, on a vu, mais bon. Était moyen génial. Il y avait de la magie. Il y avait de la magie. Il y avait de la magie. Il y avait des gros tétés surtout. Voilà. Et ça, on l'avait pas fait. Sartek. On l'avait pas fait encore. Donc Sartek, l'émission est terminée. L'illusion. Sur cette allusion avec des gros tétés. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis pour cette dernière donc de l'année, hein, pas de la saison, mais de l'année. À l'année prochaine. comme ils disent. On se retrouve avant. On se retrouve le 6 janvier. Me semble bien. Oui, on se retrouve le 6 janvier pour la prochaine émission. Ce sera la 10e avec une émission spéciale. On ne vous le dit pas parce qu'on ne sait pas encore. Mais spécial Nouvel An. Pour les 10 ans, voilà. Pour les 10 ans. Spécial mon anniversaire aussi. Spécial anniversaire de GRM, spécial Nouvel An. Et on parlera toujours hein, de cette actualité qui pimente notre quotidien. Notre quotidien, évidemment. voilà, on va se quitter avec ces... On est fatigué, on est très fatigué. Il est 12h32 sur BL Radio et il est temps d'aller manger. N'est-ce pas? Tout à fait. Oh là là. Tout à fait. En cœur. Merci à au 6 janvier donc. Merci Ben, merci Jérém. Merci à tous. Des bisous aux merci, auditeurs. Bisous. Bonne fête. De bonnes fêtes de Noël. De bonnes fêtes de Noël. Amusez-vous et bien. Et l'alcool avec modération. Évidemment.